Alors, on est en direct. Donc on va prendre un verre d'eau après, mais on est en direct. Donc Bulle de rêve, bonjour. On s'installe. Ça a été rapide. On a un réalisateur carré avec nous. Donc ça a été pile à l'heure, ce qui n'arrive pas tout le temps. On va fermer merci la porte. Donc bonjour, vous êtes bien à Bulle de rêve, l'émission 100% cinéma d'animation sur Radio Libertaire 89.4 ou bien sûr sur les internets. Et bien sûr, vous avez le podcast aussi pour les anciennes émissions. C'est l'émission Bulle de rêve qui vous est proposée normalement par Marie-Pauline Mollaret, qui n'est pas là aujourd'hui. On lui fait des bisous. On espère que voilà, ça va aller très vite bien mieux. Et Nicolas Latisse, qui devrait être là aussi, mais qui va arriver un petit peu plus tard, et Alexis Huneau qui vous parle. Donc pour l'instant, je suis tout seul. Je suis très content. On a deux invités aujourd'hui pour cette, je sais pas, 42e saison. Je sais pas quelle saison on en est de Bulle de rêve. Marion Jameau, bonjour Marion. Bonjour. Et Éric Monchaud. Bonjour. Bonjour Éric. On va parler de leur parcours. On va parler de. On a déjà parlé un petit peu. Ils font notamment des films, mais est-ce qu'on fait des films jeunesse? C'est Michel Oslo qui râle à chaque fois quand on lui dit qu'il fait des films jeunesse. Il fait « Mais non, je ne fais pas des films jeunesse, je fais des films pour... » Voilà, etc. On va voir si c'est la même chose avec nos deux invités. Voilà, là, on est sur du court-métrage et je suis très content de les avoir. Il fait chaud dans le rue, ne vous inquiétez pas. Après, on va faire une petite pause musicale. On aura le temps d'aller prendre, en effet, un verre d'eau. Le fameux verre d'eau. Ah, voilà. Le générique, il faut quand même que je désannonce le générique. Je vais désannoncer d'abord... la personne aussi importante qui est derrière. Nicolas, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. On lui souhaite aussi plein de bonnes choses. Et c'est, on a un réseau quand même chic, Francis Gavel. Merci beaucoup, Francis, d'être venu aujourd'hui pour faire la réalisation de Bulle de rêve. Le générique, c'est un générique, vous avez entendu la voix, c'est Gillian Anderson. Gillian Anderson, vous la connaissez sûrement chez les Euros du Monde, par exemple, House of Mirth de Terence Davis en 2000, des séries comme The Crown, mais bien X-Files. Sûr, elle est surtout connue, hein ? X-Files. Elle est surtout connue, bravo Eric, un point pour Eric. Tu savais pas, Marion, mais en fait, c'est un quiz, l'émission. En effet, c'est la Dana Scully de X-Files, aux frontières du réel, donc cette superbe série. Et ce que vous avez entendu, donc, c'est une chanson qui apparaîtrait, je n'ai jamais vu cette version théâtrale de All About Eve, film de Mankiewicz. C'est une version théâtre de 2019 que j'adorerais voir. Donc, évidemment, All About Eve, si vous vous souvenez, Eve de Mankiewicz, film des années 50, hein, sur un scénario écrit par lui-même, Mankiewicz, et par tiré de Mary Ord, d'une histoire, pardon, Mary Ord, qui s'appelle The Wisdom of Eve. Et dans le film, si vous vous rappelez, Bette Davis, qui est cette actrice absolument incroyable, Margot Channing, célèbre actrice, prend sous son aile une jeune actrice, Eve. J'ai noté le nom parce que je ne me rappelais plus du nom. Eve Harrington, qui est joué par Anne Baxter, et petit à petit, Eve va prendre la place de Bette Davis, de cette actrice. C'est un film absolument monumental et important. Et donc, ils l'ont fait en pièce de théâtre, avec, donc dans le rôle de Bette Davis, Gillian Anderson, et dans le rôle d'Anne Baxter, Lily James. Je serais très curieux, la pièce de théâtre n'est pas visible sur Internet, où il faut payer cher. Mais voilà. Et la musique vient d'une... Mais peut-être composé par une musicienne que vous entendez régulièrement ici, notamment par Marie-Pauline Mollaret, c'est PJ Harvey. PJ Harvey, en effet, donc, a composé la musique pour deux pièces de théâtre, celle-ci et une récente, London Tide, en 2024. Voilà, donc petit générique, on a arrêté, même si j'avais dit qu'on ferait un hommage à David Lynch pendant toute l'année avec nos génériques, on en a fait jusqu'en juillet, on arrête de faire cet hommage, même si évidemment on aurait pu continuer. Le disque du mois, je suis seul, donc c'est moi qui vais y avoir droit. C'était comme ça que j'avais prévu la chose. Non, j'ai pas prévu la chose comme ça, c'est pour dire, je vais me faire engueuler. Je voulais vite faire des petites news, comme ça on va profiter de nos deux invités juste après, mais je voulais juste vous faire des petites news rapides. Il y a le 1er octobre au Forum des Images, les Assises du cinéma d'animation. Alors ça a l'air d'être un peu pro, mais pour les pros qui nous écoutent, c'est une journée de réflexion autour des enjeux de production et distribution du cinéma d'animation. C'est mis en place par l'AFCA, l'Anime France et le SPI. Il y aura plein de producteurs, de réalisateurs, des gens comme ça qui nous diront ce qui va pas ou ce qui va bien dans l'animation. C'est aussi un peu pour dire aux gens à l'extérieur, notamment des gens du SPI et des gens qui font la prise de vue continue, que l'animation c'est aussi un cinéma et qu'il y a aussi des besoins. Il y a des réflexions à avoir. La fête de l'animation, avec de nombreuses rencontres, comme d'habitude chaque année, du 11 au 31 octobre, nombreuses projections. Alors, on vous propose un rendez-vous à ne pas louper. Le mercredi 15 octobre à 19h, il y a une soirée spéciale autour de l'idée de Bertolt Bartoch. sûrement l'un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma et de l'histoire tout court. Bertolt Brecht n'a fait qu'un film, malheureusement, parti d'Allemagne, et il est venu en France. C'est une merveille. C'est un film, évidemment, plus politiquement très important. L'idée sur... quand on a une idée, quand des artistes mettent une idée en mots, en images, pourquoi on la met, est-ce qu'elle va durer, est-ce qu'elle va continuer. Donc c'est un film très important et on a hâte. C'est une nouvelle version, enfin une nouvelle copie, pardon. Il y aura une rencontre avec plein de gens qui vont me dire à quel point c'est important, et la vente d'un livre normalement pour parler de ça le même jour. Mais vous avez, je crois, plus de 3 mois pour aller voir une expo magnifique. On en a déjà parlé à la Maison de la Culture du Japon sur Isao Takahata, le réalisateur évidemment du Tombeau des Lucioles, Princesse Kaguya. On vous en reparlera, mais je voulais vous en parler maintenant, puisque le 14 octobre, c'est la conférence inaugurale en présence de Kazuyoshi Tanaka du studio Ghibli et d'Ilan Nguyen, que vous avez déjà entendu beaucoup ici. Et voilà, une rétrospective de ces films et séries, dont quelques raretés, commenceront du 21 au 31 octobre. J'ai presque fini. La nuit Non, en fait, je notais le 15, c'est le 15, l'idée de Bartosz. C'est le 15. C'est le 15. Ouais. C'est le 15. Le 14, c'est la... C'est où ? Hein ? Et le 15, alors, c'est au Forum des Images. Forum des Images. Pas okay. Dit, c'est bien. C'est, ouais, bien. Ouais. C'est bien quand les invités trop près. C'est au Forum des Images. D'accord. Donc le 15. Pour les pros, si vous voulez trouver peut-être du boulot à un moment donné ou quoi, l'AFCA a lancé l'annuaire pro. Alors, c'est voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire sur l'annuaire pro et vous dire ce que vous faites. On parlera d'atelier tout à l'heure. Enfin, voilà, si vous avez ça comme ça. Ça vient d'être lancé par l'AFCA. Et on finit par deux petites choses. Deux films sont disponibles sur Internet. None or Never, un film assez drôle d'État. Alors, je suis désolé, Yalinoja, qui est sur Keep It Short YouTube. Et un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Ce qui bouge est vivant de Noémie Marcilly, qui est une réalisatrice belge absolument incroyable, et sur Zorobabel et Vimeo. Vous pouvez trouver ça. Et si j'arrive, comme quoi je suis bien organisé, à ouvrir ce truc que j'ai eu il n'y a plus pas longtemps, et voilà, je vais vous dire, on a un film qu'on adore ici. Un film important pour nous, qui est un film, le film de Félix Dufour-Lapeyrière, qui s'appelle La mort n'existe pas, qui sort le 1er octobre. J'espère qu'on en reparlera sur cette antenne aussi. Nous, il fallait qu'on en parle, on en a déjà parlé. Il y a un dossier très intéressant sur le site de l'AFCA qui dit beaucoup de choses sur le film. Et il y a notamment deux témoignages, un de Benoît Chieux. Benoît m'en voudra pas s'il écoute cette émission, je ne vais pas dire son texte, et un d'Alain Damasio. Alain Damasio, ce célèbre auteur de science-fiction, notamment Les Furtifs, et moi l'un de mes romans préférés, qui est La Horde du Contrevent, et je vous lis juste très rapidement son petit texte sur ce film. Il devient si rare de poser frontalement la question de l'action directe, à une époque qui n'en a pourtant jamais autant eu besoin, qu'un tel film vaut diamant. Il raye la vitre d'une certitude non violente. Et dans ses éclats de verre, va venir jouer le visage d'Hélène, son amour, ses convictions, la force de ses doutes. Vu de France, on pense à Sartre, à Camus, à Nathalie Minigon et à Ulrich Meinhof. On pense au soulèvement de la Terre et on toise du bord de la falaise ce que la lutte politique transforme et terraforme dans nos esprits et dans les faits. Un huis clos puissant dans la forêt, d'une tête et d'un corps qui aurait pu, et pourra un jour, quoi, changer ce monde. Mais pour accoucher d'un monde nouveau, pour manger les riches, il aura fallu enfanter dans la couleur. Ici, les monochromes sont bouleversants, vertigineux. Ils nous plongent dans une vision du monde tour à tour, rouge, verte, dorée. Soudain, la bichromie jaillit et aère. Elle percute couleur contre douleur. Parfois monte le polychrome d'un loup qui éclate de fleurs et court déplier la forêt. Parfois, il faut accepter le conte tragique en niveau de blanc. Cœur du récit, une Hélène grecque et notre Alice au pays du vermeil. Le sang coule et recoue. Il est problème et la solution, qui sait ? Félix Dufour-Lapeyrière, un film intense et serré où la psyché des personnages ne cesse d'infuser le vivant alentour. Le film en tire sa force, il en tire ses doutes actifs et sa faculté de mouvement. Il en tire sa beauté à la lisière d'une liberté indécise. C'est jamais facile de lire de Alain Damasio. Mais voilà, vous pouvez le relire mieux, le texte. Il est sur le site de l'AFCA le 1er octobre. Allez voir. La mort n'existe pas. Donc le disque de moi cette fois-ci, c'est la bonne. C'est moi qui vais en parler. Donc ça va être la piste numéro 2. Je le dis à notre cher réalisateur du jour. Allez, je vous ai embêté beaucoup avec Dice Pits, ce groupe énervé dont je vous ai passé au moins déjà 2 morceaux. Ils viennent de sortir leur premier album, le premier album long play, et non pas hippie. Donc c'est une longue durée. Ce 12 septembre qui s'appelle Something to Consume. Alors après une énergie brute plus punk du premier EP, là, et des morceaux qui ont suivi, les 4 musiciens originaires du Texas offrent ici, j'ai écrit même pour être bien, un album diversifié allant de morceaux toujours très directs, on va dire sans fioritures, comme Throw Yourself to the Sword, mais aussi des hymnes plus grunge, comme Punisher qu'on va écouter. Et se remplaçant successivement à la chant, la batterie, la guitare, c'est vraiment un groupe où tout le monde se mélange et il n'y a pas forcément un leader, une leadeuse là pour l'occasion. Et c'est un groupe, j'espère que ce nouvel album, ils vont venir, elles vont venir le défendre très rapidement de nouveau en France. Elles ont fait un show, un concert supersonique cet été qui est pour moi, voilà, je crois que j'exagère à peine, j'avais pas vu autant d'énergie que quand j'avais vu Nirvana il y a un bout de temps maintenant. Et c'était un peu la même énergie qu'il y avait sur scène. Donc on va écouter Punisher, ce qui est chanté par Chloé de Saint-Aubin, qui est la batteuse et qui est donc aussi chanteuse, notamment sur certains morceaux. Ce morceau a été écrit par Chloé de Saint-Aubin, donc je viens de vous le dire, et la bassiste Kat Alter, qui est absolument incroyable sur scène. On écoute cette piste 2 et on peut aller boire un verre comme ça pendant ce temps-là. Merci Francis. Un falafel, une pomme dauphine, un nez de clown, la pleine lune, un petit pois, un œuf de cabillaud, un buisson à la française, le loup-boule. Tous ces organismes ont un point commun, la présence du chromosome de la rondouille aiguë. Chez le sujet qui nous intéresse dans cette histoire, la rondouille aiguë s'est développée sur toute la zone ventrale de la bête. Cette particularité, peu commode pour un loup, s'accompagne d'une autre étrangeté. Il est atteint du syndrome de la quenotte fantôme. Autrement dit, il ne possède aucune dent dans la mâchoire. Je possède un curieux animal. Moitié agneau et moitié chat. C'est un héritage de mon père, mais il ne s'est développé que de mon temps. Je vous rembêterai, je pense que j'ai eu un petit problème d'enregistrement, on va voir sur les autres morceaux, j'espère que c'est pas tous les morceaux sont comme ça. En tout cas, un petit problème d'enregistrement de mon côté visiblement, d'Icepeed s'est passé à moitié, on les repassera un tout petit peu plus tard, mais vous avez entendu, et c'est le plus important, les deux extraits de deux films, Le Loup-Boule et Les Animales, qui sont deux films de nos invités aujourd'hui. On va en parler un tout petit peu après. Déjà, moi, on va faire simple. Parce qu'en fait, vous avez tous les deux un parcours un peu atypique au départ, on dit ça. Alors, par complet, un peu moins toi, Marion. D'abord, le montage. Oui, oui, oui. J'ai commencé par faire l'INA. En fait, ils ont un pôle étudiant. Donc, j'étais en alternance. J'étais un mois étudiante en montage. Et un mois, je faisais du montage vidéo pour l'armée française. Voilà. Je travaillais pour le ministère de la Défense et j'étais à la cellule audiovisuelle. Donc c'est un peu improbable, mais voilà, c'est l'entreprise qui a bien voulu me prendre à l'époque, et donc j'ai appris le montage comme ça, ouais. T'as encore les vidéos que t'as montées de l'époque Alors, il se trouve que j'ai craché le disque dur que j'avais à cette époque, donc tout est dans ma tête, mais ouais. Et toi ? L'animateur chez World Company, c'est ce que tu as marqué sur... Non, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Études universitaires d'économie internationale, c'est ça ? Oui, exactement. Alors en fait, après le... Parce que j'étais plutôt très scolaire quand même, comme garçon, et j'avais fait le bac C, je ne sais pas si ça te parle, ça, à l'époque, les bacs scientifiques. Tu vois, pour faire un peu plaisir à mes parents, tout ça, machin. J'ai eu ça, et après, il fallait choisir des études, et j'ai dit, bon, je m'intéressais un peu à ce qui se passait dans le monde, je me disais, économie internationale, pourquoi pas, puis j'ai fait ça jusqu'en licence. Ok. Et il y a eu un petit couac à un moment donné, c'est que j'ai vu ce film-là de Jens Wankmayer, Alice. Et c'est ça qui m'a fait basculer vers l'animation. Mais sinon, je connaissais pas. Enfin, je veux dire. D'accord, tu faisais pas. T'as vu ce film-là ? Ah, j'ai vu ce film et en fait, ça, je pense, résonne en moi parce que mes parents sont brocanteurs. Et ce film, il est basé beaucoup sur les objets, sur les objets de récupération, un peu en sale état, un peu bricolés, tout ça. Donc, il y avait un côté magique et je me suis dit, ah, mais en fait, je pourrais essayer moi aussi, quoi, de faire de l'animation et tout. Et ça a commencé comme ça. J'avais une Super 8 et j'ai commencé à faire des petits bricolages de mon côté, quoi. Et Jean-Marc Meyer dit que chaque objet, en fait, a des histoires à raconter. Il ne faut pas les pousser, c'est comme ça. C'est quoi, toi, tes débuts ? C'est déjà dans le volume ? C'est justement ces objets-là ? Ouais, c'était avec des objets en fait qui avaient chez mes parents. Alors des objets dont des fois je savais même pas à quoi ça servait, hein, parce que ils avaient tout un bric-à-brac de trucs et j'inventais des petites histoires avec ça. Voilà, vachement influencé par Zank Meyer. Ouais. Et toi, Marion, comment on passe du montage à l'animation? Qu'est-ce qui fait le déclic alors? En fait, c'est que depuis longtemps déjà, même depuis le lycée, j'hésitais entre m'orienter vers le cinéma ou alors quelque chose qui me permettait de bricoler de mes mains. Et j'étais toujours dans cette hésitation comme ça. Finalement, donc, j'ai commencé par l'audiovisuel. Mais pendant ces 2 ans de montage, ça me manquait atrocement de ne pas utiliser mes petites mains. Et jusque-là, ça ne m'avait pas traversé l'esprit, en fait, le cinéma d'animation, parce que moi, j'associais ça au dessin animé. Or, j'ai jamais eu la passion spécialement du dessin. J'avais plutôt la passion de bricoler. D'ailleurs, je ne sais jamais trop quoi employer comme mot, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Ouais, je ne sais pas de mot pour désigner ça. Enfin, là, on dit du craft, je crois, maintenant. Voilà, juste bricoler des petits trucs, quoi. Et en fait, c'est en découvrant la stop motion... que je me suis dit, mais en fait, comment j'ai pu ne pas penser à ça avant, parce que ça réunissait mes deux passions, quoi. Et pourtant, je connaissais des films en stop motion, mais ce que je connaissais, c'était de la stop motion tellement chiadée, entre guillemets, que j'arrivais presque pas à identifier que c'était des objets tangibles. En fait, je pensais presque que c'était fait par ordinateur. Et en fait, c'est un moment où j'ai découvert le travail de deux artistes, donc c'est Vincent Pianina et Lorenzo Papace, qui sont pas cinéastes à la base, mais qui, pendant leurs années d'études, tenaient un blog. En fait, ils s'amusaient à reproduire des publicités de luxe, mais chez eux, un peu à la manière des films suédois de Michel Gondry. Et donc, là, j'arrivais à identifier que c'était des bouts de papier, des bouts de petits trucs comme ça qu'ils avaient... Pour les autrices, nous on les connaît plus parce qu'ils ont fait le générique des Aventuriers de l'art moderne, la série, donc on les connaît un peu grâce à ça, on va dire. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais ce qu'ils font ces deux gars-là, c'est exactement ce que j'aimerais faire. Et donc là, directement, après mes 2 ans de montage, j'ai tout de suite cherché dans quelle école je pourrais faire ça. Et donc là, voilà, j'ai découvert les DMA. À l'époque, il y en avait très peu, il y en avait 4-5, dont juste un seul qui était vraiment spécialisé dans plus le cinéma d'animation expérimental. Et donc, qui était celui de Clermont-Ferrand. Et donc là, à partir de là, je me suis mis en tête qu'il fallait absolument que j'aille là-bas. Et voilà. Même de Cournon. Oui, de Cournon, c'est vrai. Plus, encore c'est plus vrai. Précis de Clermont, dire ça. Mais ouais. Donc mis en place par plein de gens, dont aussi, même s'il n'y avait plus là, Marie Pacou. Donc ancienne de l'ENSAD, avec notamment Un Jour, qui avait été aussi au tout début de ce DMA, et qu'en effet, un DMA un peu particulier, parce que avec tous les autres DMA, justement, c'est le dessin avant tout. Ouais. Et là, c'est un DMA qui permettait de travailler autre chose, Ouais, carrément. Il y a une liberté là-bas qui t'a permis de, je sais pas, travailler sur le papier découpé, sur plein d'autres styles. Bah, c'est ça, parce que moi, j'étais donc hyper complexée du dessin, et d'ailleurs, c'est encore aujourd'hui un souci. Mais justement, à Clermont, c'était super parce qu'on pouvait justement raconter des histoires en passant par d'autres techniques. Et donc, au début, j'étais vraiment dans ce truc de stop motion volume. Et puis, j'ai découvert le papier découpé. Et là, j'avoue, je me suis engouffrée dans cette technique parce que finalement, même si ça peut ressembler au dessin, en fait, dans la manière de faire, ça se rapproche presque plus de la sculpture parce qu'on part de formes pleines et on va les évider petit à petit avec le ciseau. Donc, moi, c'est une manière de fabriquer qui me correspondait plus. C'est intéressant. Et toi, au niveau du dessin, Eric ? C'est quelque chose que plus pratique ou Oui, il se trouve que je dessinais toujours très mal, parce que c'était complètement autodidacte et tout ça. Puis en fait, à l'époque de la fac, comme j'avais un petit fanzine parce que je m'intéressais beaucoup à la musique, et là, je dessinais des trucs un peu trash, tout ça, avec de l'encre de Chine, je me souviens. Et oui, donc j'avais cette pratique-là du dessin, mais j'étais complètement nul. Hein, mais c'est après, quand j'ai rejoint l'école de la Poudrière, que là j'ai vu pour la première fois les cours de dessin avec des nus, tout ça, et je trouvais ça super. Mais c'est super intéressant parce que, alors, on va pas dire trop de dates, mais je crois que si je dis pas de bêtises, c'est quoi, 26-27 ans que tu arrives à la Poudrière. Ouais. Donc c'est entre guillemets par rapport à aujourd'hui. Tard, ce qu'on pourrait dire, ce qui n'est pas normalement, mais voilà, aujourd'hui, hein, c'est beaucoup plus... Et donc, c'est une évidence aussi, même si tu avais toujours cette passion, enfin, cette envie, t'en avais fait chez toi, quand tu te retrouves dans une école. Donc en fait, moi, je bossais à l'époque, j'étais archiviste, et je faisais donc ces petits films en Super 8, là, de mon côté. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, ça rime à rien, ça, enfin, je veux dire, ça me fait plaisir, mais... Peut-être il y aurait possibilité quand même d'en faire un travail, quoi, à un moment donné. Et il y a cette école qui se monte là, la Poudrière. C'était la première année. Donc j'ai eu un coup de bol monstre parce que, en fait, il y avait peu de candidats quand même, je pense, par rapport à maintenant où elle est très cotée. Enfin, les gens, ils ont tout un cursus d'avoir fait des autres écoles avant et tout, donc c'est assez sélectif. Moi, je pense qu'à mon époque, enfin la première année là. Je sais pas à quel point, mais tu te présentais, t'étais pris, quoi. C'est surtout qu'à une époque, pardon, mais il n'y avait pas ce problème d'âge, toujours aujourd'hui, puisque l'âge, il y a un âge minimum, mais enfin, voilà, donc on peut pas être trop jeune. Mais il y avait surtout l'idée que tu pouvais être sculpteur, justement, enfin, tu pouvais être autre chose, et puis rentrer quand même à la Poudrière. Il y avait une envie. Oui, c'est ça, oui. Ils aimaient bien les profils un peu singuliers. Ils mélangent tout, en fait. Ouais. Et puis moi, je pense que ça les intéressait parce que je pouvais toucher le chômage, quoi, je crois. Enfin, tu vois, ils. Donc, ils ont dit, lui, c'est bon, de toute façon, on va le prendre. Et donc voilà, mais j'ai fait. Puis je suppose qu'il y a un univers quand même, il y a déjà un univers. Dans ces petits films que j'avais fait, là, ils ont trouvé des trucs intéressants dedans. Première année, j'avais noté à un moment donné, première année à la Poudrière, Christophe Calissoni, Ribstein, encore des gens, mais dès la deuxième année, Amandine Fronon, Anne Laric, François Bertin, Isoutroin, Stéphane Ricard, on en reparlera un petit peu plus tard. Ça, c'est bien aussi, d'un seul coup, ces gens, toi, qui n'es pas forcément dans l'animation à la base, de se retrouver avec des gens qui sont un peu plus fans d'animation, connaisseurs. Je connaissais quand même l'animation. Parce que quand j'ai découvert, après, j'étais assez obsessionnel, quoi. Je voulais voir, je lisais toutes les revues de cinéma pour essayer de, comme, rattraper un retard, quoi, savoir ce qui se faisait. J'allais aux séances de l'AFCA aussi à l'époque. Et donc, j'avais une petite culture cinéma d'animation, quand même. Vachement plus que maintenant, d'ailleurs. Maintenant, je connais rien de ce qui se fait actuellement. Mais à l'époque, j'étais vachement avide de regarder des films. Après le DML Cournon, tu vas à l'une des plus écoles les plus réputées, en tout cas au niveau, pas expérimental, mais justement qui laisse beaucoup de liberté, qui est la Cambre. Pourquoi la Cambre et pas, je ne sais pas, l'ENSAD en France ou, Mais alors, parce que je ne sais pas pourquoi je m'étais construite une image des arts déco, justement. J'avais l'impression que les films qui sortaient des arts déco étaient un peu trop intello, entre gros guillemets, pour moi. Et alors que les films qui sortaient de la Cambre... me paraissait plus fun, voilà, je ne sais pas pourquoi. Et en plus de ça, c'est plutôt vrai, hein. C'est vrai. Et puis il y avait aussi, j'étais tombée en amour du cinéma de Patard et Aubier, et j'ai vu qu'ils avaient fait la Cambre, et je me suis dit, je veux faire la même école que ces deux gars-là. Et donc, et puis parce que c'était sympa aussi de découvrir Bruxelles. Enfin, je me suis dit, bon, let's go la Cambre. Et parce que je savais aussi qu'il y avait une grande liberté au niveau des techniques, qu'on n'était pas, ils cherchaient pas forcément des profils de gros dessinateurs, Alors on arrive au film de fin des tours, on a entendu un extrait, Louboule et les animaux, Louboule déjà, c'est assez drôle, il y a pas mal de choses qu'on va retrouver par la suite, il y a déjà une voix, il y a déjà l'idée de narration, il y a l'idée évidemment de l'animal qu'on va retrouver, les animaux qu'on va retrouver régulièrement, et aussi... Alors, je ne sais pas si c'est voulu pas d'un public jeunesse forcément, mais en tout cas quand même d'un public qui peut toucher, d'un film qui peut toucher la jeunesse, ce qui n'est pas évident dans les films de fin d'études. C'est très rare d'avoir des films de fin d'études qui font, qui cible entre guillemets passée, mais qui parle à la jeunesse. On est plutôt sur, on veut parler du monde, on veut parler de plein de choses. C'était une envie dès le départ ou non, t'as fait ce que t'avais envie et puis... Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal à répondre à la question pourquoi la jeunesse, parce que le truc, c'est que moi, j'ai pas du tout l'impression de... Enfin, en tout cas, au début, maintenant, j'ai conscientisé parce que, voilà, on me le dit beaucoup et je vois que mes films sont sélectionnés en jeunesse. Mais à la base, c'est pas du tout une volonté. J'ai vraiment fait, surtout en plus, le film de fin d'études, c'est vraiment le truc qui sort vraiment comme ça. Et j'ai fait vraiment ce qui me plaisait. Et il se trouve que c'est grand public, mais en fait... Personne t'a dit à l'école, par exemple, oh, fais quand même attention, là tu fais quelque chose qui est peut-être pas... Si tu veux trouver du boulot, enfin, etc. Non, bah alors, bon, il faut savoir qu'à la Cambre, on peut pas dire que le suivi soit très pointu, donc vraiment, non, j'avais... je sais même pas si les profs étaient au courant de ce que je faisais, quoi, donc... D'accord, donc oui, c'est une liberté très large, oui, c'est très... Donc non, en fait, et d'ailleurs, je me rappelle très bien la première fois qu'il a été sélectionné en festival. Donc c'est, on a mis un âge sur mon film. Donc on m'a dit, donc voilà, c'est pour les 4-6 ans. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais ok, donc j'ai a priori les mêmes goûts que les enfants de 4-6 ans, quoi. C'est pas mal. Ah bah c'est super. Louboule, ça parle de... Alors, dans l'extrait, il n'a pas pu entendre, parce que j'ai mis le... Il a dit un moment de petits pois, et comme Francis a réalisé... Quoi, réaliser un film sur les petits pois, ça m'a amusé. Le petit clin d'œil qu'il y avait, ça part quoi? Ça part du cercle, au départ? C'est vraiment le rond? Comment ça parle, l'idée de Louboule? Ça part du loup? Ça parle de... Alors, bah, justement, encore et toujours, ce fameux complexe du dessin, puisque c'était en cours. Alors, je sais plus pourquoi, mais il y a une amie qui me demande de lui dessiner un loup. Et je me suis dit, mais je sais absolument pas dessiner un loup. Donc, j'ai dessiné un rond avec une tête, des pattes et voilà. Et quand je l'ai donné, elle m'a dit, ah, trop marrant, tu m'as fait un loup-boule. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, loup-boule. Et je suis rentrée chez moi le soir et j'ai écrit cette petite histoire. Et je me suis dit, bah tiens... je vais faire mon film là-dessus, tout simplement. On a déjà plein de choses, on reviendra sur les films, mais il y a déjà l'idée de bah, c'est quand même de l'absurde, de personnages un peu barrés avec des faits à moustache. Oui. Hein, des choses un petit peu. Et l'importance, alors ça, on va vraiment parler de la musique. Et là, c'est N-Hop. C'est ça, c'est pris sur N-Hop. Alors là, c'est carrément n'importe quoi, cette histoire, parce que j'ai tout bonnement pompé la musique de ce court-métrage. En fait, à la base, je l'avais mise sur mon animatique. Et en fait, bon, moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais pas du tout ce truc en tête de festival, ça va être diffusé. Moi, je sais pas, enfin, je faisais ce film, mais dans le cadre scolaire, quoi. Donc, je me suis dit, au max, ça sera projeté dans une soirée cinéma, dans le café du coin, mais voilà. Donc, à l'animatique, j'avais posé cette musique. Puis, au final, je me suis dit, bah, je l'adore tellement, je la laisse. Et c'est resté comme ça. Mais justement, quand le film a commencé... Donc, en plus, après, il a été pris à Clermont. Il y a eu un distributeur, tout ça. Et là, ça m'a fait un peu flipper. Je me suis dit, mais en fait, je sais pas trop si j'ai le droit de faire ça. Et en fait, j'avais essayé quand même de faire les choses bien, de retrouver... En plus, j'y connaissais rien du tout. Enfin... voilà, au niveau législation, etc. Et en fait, j'avais carrément appelé... c'est quoi? C'est l'ONF? C'est l'ONF, tout à fait. L'ONF. Et en fait, la dame, ça l'avait fait rire. Elle m'avait dit, écoute, on n'arrive pas, on ne sait pas. Écoute, vas-y, garde cette musique, parce que franchement, on ne sait même pas qui contacter. Oui, parce qu'en fait, elle n'est même pas créditée dans le film de McLaren. C'est ça, exactement. Je ne sais même pas qui est le compositeur. Donc, même moi, dans le générique, je ne savais pas quoi mettre. J'ai juste mis le nom du court-métrage. Dans Tout à fait. Mais, et ça ne m'a jamais posé de problème. Mais... et déjà, pareil, on va en reparler, mais le mélange aussi du tam-tam à la fin, cette musique N-Hop. T'aimes bien, ouais, ce mélange de ça, ou ça vient pareil, c'est pareil, c'est des envies, et puis... J'ai pas réfléchi, parce que je crois que la dernière scène, en fait, le loup a été aperçu en Afrique centrale, et donc je me suis dit, bon, bah voilà, on va mettre une musique qui correspond, mais enfin, je sais pas. Alors, toi, si les auditeurs et autrices ont bien, on reconnaît plus facilement la voix, a priori, qu'il y a dans les animaux, c'est Philippe Catherine. Oui, exact, ouais. On l'a facilement, on a la poudrière, on se dit, pouf. Ou non pourquoi ce choix, cette envie à cette époque-là? On est en 2001. Comment? Alors, parce que moi, j'écoutais pas mal Philippe Catherine à l'époque, et quand c'est Isabelle Elzière-Delal, qui était la directrice de l'école à l'époque de La Poudrière, qui me demande mais t'as pensé à quelqu'un pour la voix, je dis ouais, moi j'écoute ça, je trouve que ça irait bien, tu vois. Elle me dit je dis bon c'est pas possible, je pense il n'était pas aussi connu que maintenant, hein, mais et elle me dit si on va essayer tout ça. Donc elle a contacté son label de l'époque, peut-être c'est toujours le même d'ailleurs, je sais pas, et il a lu l'histoire et il a dit oui tout de suite, quoi. Donc il est venu à Valence enregistrer la voix, il avait répété, enfin je veux dire il a fait ça très sérieusement, très très sympa, quoi. Je pense que le côté absurde, ouais je pense devait lui parler, oui ça devait lui parler. On n'a pas dit le loup boule, c'est un loup qui est une boule et qui a pas de dents, et voilà, et à un moment donné il va se mettre à rouler et il va écraser tout et ça sera plus facile à manger comme des crêpes. C'est vrai, souvent je résume pas les films, je suis désolé, après on me dit mais quand même on a pas, non, résume c'est, pas un, les... c'est un bon résumé, hein, c'est un résumé. Et là c'est déjà là, c'est une adaptation d'une nouvelle de Kafka, où en fait il parle d'un animal qui est mi-loup mi-agneau. Et alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai mis le personnage dans la tête du personnage qui parle, qui est de la voix off, quoi. Et puis il y a plein de petites scénettes un petit peu absurdes, rigolotes, où il y a une interaction entre le gars qui porte la bête et la bête qui est à l'intérieur de sa tête, quoi. Et on retrouve Jean Meyer avec le théâtre. Ouais. Il y a un petit côté, je sais pas si c'était vous, en tout cas, il y a... Bah, j'ai pas conscientisé le truc, mais oui, je pense que... Oui, mais en tout cas, il y a quelque chose déjà. Il y a une influence, c'est sûr. Ouais. Il y a un côté plus, alors, on va pas... côté plus adulte, même si je suppose que les enfants peuvent aimer ce film-là, parce qu'il y a rien, voilà, au contraire, il y a toujours absurde. On a déjà sur le côté aussi différence, qu'on va retrouver dans quasiment tous tes films, cette idée d'être un peu à part dans ce monde. Oui, oui. Alors ça, ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Ah bah là, je peux jouer le psy, hein. Ouais. Est-ce que c'est un peu toi? C'est un peu moi, en fait. Et on peut rentrer dans cette interview, on se dit, oh, Dieu, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Putain, non, ça va me faire peur. Non, mais... je sais pas. Non, mais c'est assez beau, puisque le film, c'est, on l'a entendu, j'ai pas été grand-chose de mon père. Ouais. Maintenant, il a pas. Enfin, il y a quelque chose qui est assez touchant dans ce film, finalement, de. Voilà, on a quelque chose en plus. Voilà, on est deux ou trois dans nous, et finalement, on s'en accommode, et finalement, on reste avec ça. Il y a une simplicité aussi qui est assez touchante. C'était l'idée de l'héritage, un peu, de son père, tout ça, de ce qu'on. Ça va devenir très sérieux. De ce qu'on hérite de son père, de ce qu'on aime avoir hérité, de ce qu'on n'aime pas. Enfin, tout ça. Bon, allez, avant que ça devienne trop sérieux, et avant de repartir sur les films, on va faire un petit. Alors, j'espère que. Francis, j'espère que c'est pas des problèmes que moi j'ai eu avec. On va essayer. Alors, ça aurait pu être le deuxième album du mois. Je vous repasserai d'Ice Beats parce que j'y tiens. C'est un groupe plutôt de Doom, là, qui s'appelle Faithouth, pardon pour la prononciation, qui a sorti donc son deuxième album une semaine avant d'Ice Beats. D'Ice Beats était le 12 septembre, elle c'est le 5 septembre. Et trois ans après, donc Remnants of the Vessel, qui était leur premier album, le trio continue dans cette lignée, alors que j'appellerais Doom éthéré, alors même si on peut considérer presque ça comme un pléonasme, hein, parce que si vous connaissez le Doom, c'est très lent et c'est des guitares qui font. Enfin voilà, donc il y a un côté donc éthéré. Moi je vois pas ce que c'est. C'est l'évidence. Le Doom, tu vas écouter. Normalement, c'est pas t'interrompre. Alors normalement, oh, tu peux, il n'y a pas de problème. Alors, elle s'appelle ça même du fairy, donc des fées, du doom de fées. Donc, le doom est normalement, c'est des longs morceaux. C'est des morceaux qui peuvent être 10 minutes. Elles font des morceaux qui sont finalement assez courts, puisque le morceau le plus long fait 8 minutes, ce qui n'est pas si énorme pour du doom. C'est un album que je trouve vraiment très très beau. On a toujours ces guitares très lourde, cette batterie lourde, lancinante. Mais même si les morceaux sont assez courts, ça s'écoute quasiment comme une nappe continue d'une quarantaine de minutes. Et là, on va écouter Inner Gate, qui est en fait le premier morceau de l'album, et qui est, j'avais fait un truc nul. Ça s'appelle, en fait, c'est Iron Gate. Et j'avais dit que c'est une porte de fer qui nous met de suite dans le ton et l'atmosphère de l'album. Et c'est nul, en fait, parce que Iron Gate, j'avais juste traduit, je trouve ça vraiment, d'un seul coup, un jeu de mots vraiment nul. C'était pas mal. Ouais, merci, c'est trop gentil. Hey. Donc, on écoute, la piste 3. Merci Francis. Thank you. Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour. On ne sait pas très bien pourquoi. À cause de cette petite casserole, Anatole n'est plus tout à fait comme les autres. Il a besoin de beaucoup d'affection. Parfois, c'est presque gênant. Il est très sensible. Il a un grand sens artistique. Il a plein de qualités. Mais souvent, les gens ne voient que cette petite casserole qui traîne partout. Oh, tu m'as fait peur, petit diable rampant. Mille excuses, grand cheval à bosse. Je ne suis pas un cheval. Je ne suis pas un petit diable non plus. Oh, je sais très bien quel animal tu es. Une canaille de serpent des collines. Et c'est comment, un serpent des collines? C'est comme toi. C'est tout petit. Tout petit? Vraiment? Sa langue vénéneuse sème les pleurs. Les pleurs, dis-tu? Ça rampe toute la journée et ça mange la poussière. Bon. Et toi, tu parles à mon derrière. Bon, ça suffit. Il fait trop chaud pour les bavardages, de toute façon. Tu as juste oublié une chose concernant les serpents des collines. Il adore barber les vieux chameaux comme moi. Sa peau est aussi froide que le glaçon des banquises. On verra après. Ouais, parce que là, en fait, on est en direct. Vous le savez, de toute façon, vous connaissez l'émission par cœur. Vous savez qu'on discute, évidemment, pendant toutes ces, pendant les intermèdes musicaux. On a entendu encore deux extraits de films dont on va parler. Je vais commencer avec toi, Eric. Tu commences avec L'odeur du chien mouillé en autoproduit. Pourquoi l'autoproduction? Tu trouvais pas de prod ou t'en avais pas envie? Comment ça s'est passé? Je sortais de l'école. J'ai pas cherché de prod, en fait. J'avais écrit cette petite histoire et, à l'époque, il y avait une aide du CNC, c'était l'aide de la première heure. Oui, tout à fait. Et donc, destinée aux étudiants qui sortaient des écoles et tout ça. Donc, il y a eu cet argent-là. Et j'ai eu aussi un petit peu d'argent d'une fondation suisse, Vevey. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais c'était pareil, destiné aux étudiants qui sortaient des écoles et qui faisaient leur premier film. Donc, avec cet argent-là, j'ai fait ce film en papier découpé, tout seul, quoi, quasiment. Quasiment, parce que... Arrive un nom important. Un nom important pour moi, c'est Nadine Buss, qui va faire la lumière sur le film, et ensuite avec qui je vais travailler sur tous mes films. Il y a même un autre nom qui est important, il y a Nadine Buss. Et il y a Pierre Bastien. Et il y a Pierre Bastien, parce qu'en plus, Pierre Bastien, tu le fais arriver dès le générique. Ouais. Pas forcément, mais le nom apparaît à quel point la musique dans ce film-là est vraiment très fondamentale. Ouais, carrément. Et Pierre Bastien, pareil, j'écoutais beaucoup et je l'ai contacté, je lui ai demandé s'il voulait faire la musique de mon film, il a dit oui. C'est hyper simple, en fait. Ça s'est passé comment il envoie le film, il envoie la musique, pardon, ou non? Alors, un storyboard, une animatique? Animatique, non. Parce que j'en fais quasiment jamais, mais storyboard, oui, je pense que j'avais commencé, puis je lui avais parlé un petit peu du déroulement, puis à quel moment je voulais qu'il y ait la musique et tout ça. Et il a à chaque fois, je crois, proposé par séquence 2-3 morceaux, ce qu'il compose assez facilement, je crois. Et puis voilà, après j'ai choisi, j'ai pu couper dans sa musique. C'est là où les intervieweuses commencent à devenir insupportables, c'est quand on commence à dire ah oui, parce qu'il y a déjà des choses qu'on trouve, il y a le brouillard, dont on reparlera pour le nouveau film. Mm-hmm. Donc il y a déjà ça, il y a les oiseaux attachés, on retrouvera, il y a deux personnages aussi attachés dans un autre film. Ouais. Il y a des. Pareil, mais c'est quasiment la réponse, mais. C'est conscientiser tout ça, c'est « Ah ouais, tiens, là, ça me plaît, et il y en aura aussi pour Marion après, bien sûr. » Est-ce que c'est des choses ou non c'est des... Moi, c'est des choses qui reviennent, parce que je pense que j'ai pas non plus 50 000 idées. Donc, je réutilise des trucs, quoi. Mais, je tourne tout le temps un peu autour des mêmes trucs, quoi. Je vois pas une imagination si débordante que ça, quoi. C'est pas forcément ça, c'est qu'une fois qu'on creuse les choses qu'on connaît, qu'on aime, c'est pas forcément de pas avoir d'imagination. Mais même quand je dessine, je remarque, je fais tout le temps un peu les mêmes trucs, quoi. Oui, oui, je... Bon, voilà. On fait avec ses limitations, quoi. En fait, c'est ça qui est pas mal, moi, je trouve aussi. Il faut attendre 11 ans, entre 2003 donc, et 2014, pour avoir un nouveau cours personnel, en tout cas que tu réalises. Ouais. Entre-temps, on en reparlera un tout petit peu après. Okay, ouais. Mais il y a... faut bien vivre. Donc, on fait... Alors, peut-être sûrement sur des choses intéressantes, sur des séries. Mm-hmm. On en reparlera, bosser avec Gondry, des gens comme ça. C'est, on se perd, entre guillemets, hein, c'est pas, on se perd un peu là-dedans. On se dit, tant pis, on verra plus tard pour ce que je veux faire. Enfin, alors, moi, je... Non, oui, en fait, c'était assez confortable, je dois dire, de travailler pour d'autres. Moi, j'aime beaucoup travailler pour les autres. Et puis, oui, c'est à l'époque où j'ai eu mon fils, donc il fallait que je gagne pas de la thune, quoi. Enfin, il fallait de l'argent. Et donc, je commençais à mettre un pied dans tout ce qui était publicité. J'en faisais pas mal, quoi, à l'époque. Puis on en reparlera. Je pense qu'il y a aussi l'idée de... Il y a des choses qu'on apprend, évidemment, publicité, d'être efficace, d'être à l'heure, d'être enfin... Ouais, c'était très pro, quoi. Ouais. et puis, ça faisait gagner de l'argent pour peu d'heures de travail. Et ce qui me laissait quand même pas mal de temps pour toujours dessiner à côté, tout ça. Puis, en fait, c'était assez créatif, quoi. Puis j'étais en binôme avec Cédric Mercier. Et ça, on fonctionnait très bien, tous les deux, quoi. La petite casserole d'Anatole, une adaptation encore, après Kafka, Isabelle Carrier, on est sur autre chose. Comment c'est arrivé? C'est un prof qui t'a parlé, qui t'a dit, tiens, ça m'intéresse, toi qui as vu le livre d'abord. Et, Moi, c'est parce que, en fait, c'est mon fils qui ramenait le livre du soir, quoi, la lecture du soir, avant de dormir. Et puis, j'ai lu ce bouquin et ça, en fait, ça tout de suite, ça a résonné. Je me dis, ah, mais ça. Il y a un côté très simple dans la mise en scène, dans le graphisme et tout ça, qui me parlait beaucoup, parce que c'est ce que moi je recherchais, parce que je travaillais quand même pour les autres, mais aussi parallèlement, je travaillais quand même pour moi, je faisais des petites marionnettes, des trucs de mon côté, quoi. Et là, ça rejoignait pas mal ça, l'idée de simplicité, de... Voilà, des cadres fixes avec pratiquement pas de décor, des petits personnages avec une esthétique très simple et finalement assez proche du dessin. C'est ce que moi je cherchais dans les marionnettes, puisque tout ce qui est trop réaliste, tout ça, ça m'ennuie en fait. Dans les marionnettes, je me reconnais pas là-dedans, parce que bon, moi, comme je viens d'un... mon premier amour, c'est Sven Meyer, avec des objets récupérés, avec des choses bricolées, tout ça. Donc quand il y a une esthétique simple, maladroite, où on voit la patte de celui qui a construit, ça me parle. Non, alors ça te parle aussi, ça? Oui, avec ton loup qui est fait, etc. Non, puis on va le voir, il y a un bestiaire dans tous tes films. Enfin voilà, qui est complètement délirant, même si au début on imagine l'animal que ça peut être, ensuite tu t'amuses beaucoup avec. C'est vrai que moi, justement, si je me suis orientée dans l'animation plutôt que la prise de vue réelle, c'est vraiment pour le plaisir de pas du tout respecter la réalité, inventer des mondes qui n'existent pas, quoi. C'est vraiment pour ça, pour m'amuser. Donc je vais à fond là-dedans, quoi. Ouais, c'est sûr. Il y a ça, mais tous les deux, vous avez, on va demander après, mais il y a un côté très humain, parce qu'il y a aussi, dans des sens d'une oasis, donc cette amitié qui va se nouer entre un dromadaire, un chameau, je savais que j'allais tenter, c'est génial, ce genre de choses, voilà, c'est ça, et un serpent, et en fait, c'est cette histoire, finalement, qu'on peut être complémentaire, donc il y a l'envie de raconter des histoires derrière, l'envie de raconter des... Oui, d'être... C'est vraiment le moteur. Moi, il se trouve que ma maman était conteuse, donc j'ai vraiment baigné dans l'univers du conte. En fait, depuis que je suis toute petite, elle s'entraînait sur moi à répéter ses contes, etc. Donc j'ai toujours inventé des histoires. Et c'est vraiment plus le moteur, je dirais, l'invention d'une histoire, plus que l'envie de mise en scène de cinéaste qui m'a donné envie de faire ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un côté très conte, très narratif. Hein, voilà, la présence d'un narrateur, même si j'essaye un peu de m'en détacher maintenant. Mais naturellement, voilà, j'ai commencé comme ça, ouais. La petite casserole d'Anatole, il y a ça aussi. C'est assez étonnant, il y a plein de points communs. Vous avez commencé dès votre film de fin d'études à avoir des voix. Alors que c'est pas normalement, les films de fin d'études, souvent on évite... Je sais pas pourquoi on m'a dit à l'école, ah oui, c'est un peu la facilité de prendre une voix off, c'est pas forcément bien vu, c'est pas top. Fameuses voix off, mais qui sont soi-disant, alors comment c'est toujours agaçant, ce genre de choses où les profs qui disent des trucs comme ça, voilà. Alors, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas finir par un rêve. Ah oui, c'est stupide parce que finalement, pourquoi pas? S'il y en a besoin, si le film en a besoin, il n'y a aucune raison qu'on soit. Toi, j'avais pas ces contraintes-là, moi, à la poudrière. Ouais. Je crois que maintenant, il y a des contraintes de temps. C'est 3 ou 4 minutes. Ouais, à l'époque, non, il n'y avait pas. Bah, c'était la première année, donc il ne savait pas où foutait les pieds. Plus de liberté. On est sur la petite casserole d'Anatole. On est toujours sur assez court, 5 minutes 40. C'était aussi quelque chose qui t'a intéressé de faire quelque chose d'assez resserré, mais. C'est vrai que je ne me voyais pas. Parce que ça, comme tu le disais, ça faisait 10 ans, 11 ans que je n'avais pas réalisé de film. Et je me dis, bon, je vais quand même faire un truc un peu. Avec peu de personnages, peu de décors et pas très long, quoi. Et le tournage a duré un mois et demi, c'était hyper rapide. Ce qui est beau avec le film, c'est ça, c'est qu'on est vraiment sur les personnages. Il y a quelque chose de très beau. C'est souvent, on insiste trop lourdement, je trouve, des fois dans les codes d'animation, sur l'acting. Et que finalement, l'acting peut être, vos films le montrent bien, peut être assez simple, mine de rien. Et que c'est pas que sur des visages qui bougent beaucoup, mais ça peut être sur des petites. Après, il y a le talent des animateurs quand même, parce que là, pour le coup, c'était Pierre-Luc Grandjean qui a animé et Marjo, une animatrice qui ensuite a travaillé pas mal. Pour les gros studios américains, des Tim Burton et des trucs comme ça. Donc, du lourd. Ouais. ils étaient bons, tous les deux. C'est important pour toi, je poserai les questions aussi, bien sûr, Marion, d'avoir comme une équipe. J'aime bien les idées de théâtre parce qu'il y a Pierre Bastien qui revient, Nadine Bus, on en a parlé, Pierre-Luc Grandjean, qu'on va revoir. Fabienne Collet, je ne sais pas si elle est revenue, mais en tout cas, au décor, elle reviendra. Stéphane Ricard, Loïc Burkhart. Dès la poudrière. Rassurant. Ouais, carrément. Et puis, moi, je suis quelqu'un d'assez fidèle. Donc, quand ça se passe bien, je vais pas chercher ailleurs. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui se nourrissent aussi de rencontres pour le travail, tu vois. Mais moi, en fait, j'aime bien être bien entouré avec des gens que j'aime bien. Je préfère dans une ambiance comme ça, un peu. Bisounours, quoi, comme on dit, se passe bien, quoi. Est-ce que c'est avoir moins expliqué? Est-ce que au bout d'un moment donné, il y a des choses qui se font et que la personne comprend? Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Et notamment avec Nadine, puisque pour la lumière, c'est vrai qu'on se comprend très très bien, quoi. Et Pierre Bastien, pour la musique, pareil. Et puis, t'as raison. C'est ça, en fait, Parce que finalement, c'est. Voilà, parce que les gens connaissent les univers des uns et des autres. Exactement. Je suis pas un animateur doué, en plus d'un réalisateur comme Pierre-Luc Grandjean. Peut se mettre sur des films différents et se dire, bon, bah tiens. Oui, puis c'est ce que j'aime, ce que j'aime pas, jusqu'où on peut aller avec l'anime ou pas. T'as raison. Toi, Marion, il y a ça aussi, il y a des noms qu'on retrouve, qu'on va avoir, ou des gens dans Naissance du Nazisme. C'est un remerciement à une réalisatrice qu'on aime beaucoup et qui t'a travaillé, qui est Sophie Rose. Donc j'adore le travail, justement. Moi, j'ai découvert pendant mes études d'animation toute la production du studio Folimage, et évidemment, ça a été une grosse, grosse source d'inspiration. Sophie Rose, son travail du papier découpé. Et elle est dans les remerciements parce que ça a été ma marraine sur le film. J'étais passée par une association qui s'appelle Les Femmes s'animent et qui est super et qui met en relation des jeunes cinéastes avec des cinéastes plus expérimentés, qui peuvent les aider dans leurs projets. Donc elle m'avait suivie un peu sur Naissance des Oasis et c'était trop bien, quoi. Toi, t'as bossé avec sur une guitare à la mer. Oui, j'ai animé sur son film. C'est important parce que tu sais, mais Nadine Bus t'a animé aussi sur À l'époque, qui est son film. Oui. Pareil, d'avoir ce retour, ce mélange de dire, bon, je suis réel sur ton film, tu vas être directrice de la photo ou animatrice. Alors après, il y a comme une petite communauté là, entre Pierre-Luc, Sophie Rose, moi je m'inclus aussi dedans, on a à peu près le même âge, on fait des films jeunesse, un peu avec pas la même esthétique, mais quand même l'idée de fabriquer des choses faites main, tout ça. Donc c'est bien de... Enfin, je sais pas, on s'apprécie, quoi. Donc, on essaye de travailler ensemble. Quand tu parles pour Naissance du Nazisme, c'est qu'en projection, évidemment, la couleur est importante. Si vous regardez, Jamault, j'ai oublié de dire JAMAULT. Marion, vous pouvez regarder sur Internet, évidemment, pour voir comment tu travailles. T'as des tonnes et des tonnes de papier. Tu sais déjà les couleurs que tu veux utiliser. Tu te laisses porter. Comment ça se passe, la fabrication là, purement esthétique du film? En fait, la technique du papier découpé demande à ce que la question de la couleur, elle est pensée elle est pensée très tôt, puisque comme il n'y a pas de ligne qui sépare les différents éléments, forcément les couleurs vont se superposer et donc automatiquement, c'est vrai que je vais imaginer, quand j'imagine un personnage, je crois que j'imagine en premier sa couleur avant ses contours en fait. Et par exemple pour Naissance des Oasis, je savais que mon chameau allait être jaune et mon serpent vert. Bon, là je suis restée assez pour le coup proche de la réalité, on va dire. Mais de là a découlé tout le reste en fait, pour que les personnages puissent bien se détacher. Donc pardon, t'as quoi? T'as un livre qui te dit ah le rouge ça va bien avec ça, ou non tu te laisses porter par toi? Ouais, non. Je reviens toujours là-dessus, mais ouais. Surtout en disant ah ces deux couleurs-là vont bien ensemble. Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que j'ai du mal. La couleur, c'est vraiment un truc hyper intuitif. Je suis d'accord. Ouais. C'est très compliqué. Alors, je sais, j'ai entendu une petite conférence sur la couleur, mais avec une approche hyper scientifique, et je trouve ça fou. Enfin, il y a vraiment toute une science de ça, de l'association des couleurs et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Mais honnêtement, voilà, ouais. Moi, je laisse vraiment parler ce qui sort, et puis. Il y a des couleurs que t'aimes pas, non? Moi, c'est le vert, par exemple. Ah ouais. Je sais pas, j'ai du mal avec le vert. Moi, c'est plus des associations, mais je crois pas qu'il y ait une couleur que je déteste. Ah ouais. Parce qu'en fait, une couleur, pour moi, ça veut presque un peu rien dire. C'est déjà la texture aussi. Parce que ça, voilà, je suis assez obsessionnelle des textures et des motifs. J'adore autant faire des recherches de texture que de couleur en elle-même. Et en fait, c'est des associations qui vont marcher. Mais c'est vrai qu'une couleur comme ça... je peux la trouver extrêmement laide sur un objet, mais magnifique dans un tableau. Donc, mais ouais. Ouais, donc tu peux mélanger ça. D'un petit restaurant d'Anatole, il y a cette casserole qui est rouge, ouais. Et tout le reste est plus ou moins pas marron ocre, mais il y a tout un côté. Ouais. Mais dans le livre, il y avait que le rouge d'ailleurs. Ouais. Et après, moi, c'est des couleurs que j'aime bien, le ocre, marron, orange, tout ça. Donc, je les ai mis sur les personnages, mais oui. Après, c'est le vert. Moi, je sais pas. Je fais un blocage sur le vert. C'est difficile à associer avec d'autres couleurs, je trouve. Il y a des obsessions aussi, le tapir qui se met à rouler en boule. On retrouve la boule. On retrouve, il y a des choses. Oui, c'est vrai. Oui, est-ce que c'est, à un moment donné, tu découpes, tu l'as dit toi-même, et d'un seul coup, ça devient une évidence parce que le matériau qui te pousse à faire ça En fait, je me rends compte, mais alors c'est trop bizarre de dire ça, mais j'adore les ronds, tout simplement. Enfin, j'adore même travailler avec. Parce que c'est tellement la forme la plus simple, la plus basique, mais en même temps, on peut la décliner, on peut inventer tout un univers à partir du rond. Moi, je sais que j'adore, alors j'ai encore rien fait d'officiel avec cette technique, mais j'adore fabriquer des illustrations avec des gommettes de bureau. Et en fait, je me suis rendu compte que juste en associant des ronds, on peut tout faire. Et voilà, non, mais je sais pas, c'est un truc hyper graphique, hyper direct. Enfin, ouais, sais pas. Est-ce que des fois tu te, il y a ces gens, c'est Barry Purves, et il y en a plusieurs qui disent ça, qui font la volume de marionnette et qui disent, Eric, tu pourras répondre après, mais qui disent, des fois ma marionnette, je la construis, mais en fait, j'aimerais lui faire un mouvement, mais je peux pas lui faire. Et en fait, la marionnette dicte quelque part, à un moment donné, son rôle. Est-ce qu'à un moment, tu pars dans quelque chose, tu vas découper un papier, finalement, tu dis, ah ben, peut-être qu'il y a quelque chose dans le papier qui va te faire aller un petit peu ailleurs, ou non, tu sais, c'est quand même très bien précis tout ça. Je sais que je vais avoir tendance à construire les choses comme un jeu de construction vraiment très géométrique. En fait, moi, j'adore l'assemblage de formes. J'adore construire mes personnages et mes décors comme ça, voilà, avec triangle, rond, carré. Hein, c'est très, très enfantin. En fait, c'est parce que je crois que j'ai une approche hyper ludique des choses. Moi, j'aime vraiment m'amuser comme je faisais quand j'étais enfant et c'est comme ça que je construis mes images, en fait. Ouais. Toi, il y a des marionnettes, des fois, Eric, qui t'ont refusé. Ouais, alors, c'est vrai qu'on essaye de construire la marionnette pour qu'elle réponde à ce qu'elles sont censées faire, mais ça peut être chiant, tu vois, s'il doit se toucher le nez puis que le bras est trop court, c'est galère. Mais oui, donc ça peut changer des fois. Ouais, alors tu fais faire un autre mouvement, bah oui, forcément. On parle des clés, mais il y a des histoires, c'est des histoires de rencontres. Même là, dans les sens, tu as dit, il y a quand même parlé de la mort et de la vieillesse. Pareil, est-ce qu'on se pose la question de se dire, ah, je touche la jeunesse, qu'est-ce qu'il faut? Ou au contraire, même se dire, bah, il faut parler de ce genre de choses, ou encore une fois, on n'y pense même pas. Ouais, j'y ai même pas pensé. Ouais. Bravo. En fait, je crois que ça m'aurait vraiment intimidée de me dire bon, alors là, il faut que j'écrive un film qui parle du deuil et de la mort. Enfin, moi, je trouve que ce serait vraiment, enfin, hyper, ouais, ambitieux de partir comme ça, et puis pas très amusant aussi. Moi, honnêtement, l'idée de Naissance des Oasis, c'est parce que je crois qu'au début, donc, je suis vraiment encore un jeu de forme. Je me suis dit, il y a cette ondulation du serpent, l'ondulation du désert. Comment je peux, en fait, créer une histoire avec ça? Non, voilà, c'était parti parce que, en fait, j'avais simplement dessiné un serpent sur les bosses d'un chameau et il reprenait cette forme. Et je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, comment ce serpent a pu se retrouver sur les bosses du chameau? Et en fait, c'est vraiment à partir de ça que toute l'histoire en a découlé. Et moi-même, je me suis laissée surprendre moi-même par l'histoire qui a découlé de cette idée un peu rigolote à la base, quoi. Donc, on va faire la question. Alors, pardon, intelligente, faut pas exagérer, mais en tout cas, qui va. Parce que, pourquoi il parle ça avant de faire une coupure musicale? Mais ce qui est intéressant, c'est que les rencontres, donc physiques, là, esthétiques que tu as, en fait, amènent des films avec des rencontres, puisque à la fois celui-ci et l'autre, c'est des films à chaque fois avec des rencontres de personnes et qui vont bouleverser leur vie, en fait, grâce à ces rencontres. C'est vrai, mais voilà, tu vois, là, j'avais jamais conscientisé ça. Mais je suppose que c'est quelque chose qui doit me plaire et me toucher, forcément. Dans la vie, se faire rencontrer deux personnages qui, a priori, n'ont rien à voir, et donc voir qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se rencontrer. Puis ce truc aussi très simple de... se faire des amis, vivre ensemble, malgré nos différences, enfin tout ça. Mais voilà, une fois de plus, ça, c'est parce qu'on intellectualise le truc, mais c'est pas du tout conscient pas au départ. Oui. Quoi. Ouais. C'est La petite cadre d'Anatole, c'est un film aussi un peu sur l'espoir, sur se dire qu'on peut... qu'un film qui est léger, non mais c'est intéressant d'avoir justement dans des films qui sont a priori légers, finalement derrière, encore une fois, dans Naissance des Oasis, c'est la mort, elle arrive de manière très simple. Donc en effet, d'un seul coup, notre personnage vieillit et puis disparaît, comme c'est dans la vie. Et toi, il y a ce moment où il se cache derrière, il est caché dans sa casserole et que finalement, quelqu'un vient. Et c'est beau sur ce qui est dit en disant peut-être qu'il y a... Moi j'aime beaucoup cette idée. J'avais noté cette idée de se dire que d'un seul coup, il y a une personne qui, heureusement, des fois il y a des personnes qui peuvent vous aider. Et pareil, c'est l'idée de rencontre. Ça peut être des rencontres d'une personne, d'un film aussi, pourquoi pas. Tu vois, comme moi, quand j'ai vu le film de Zankmeyer, ça a changé un peu ma trajectoire. Donc oui, il y a des personnes, des films, un livre. Ouais, des rencontres, quoi. Ouais. J'ai oublié de parler d'un film quand même plutôt particulier dans ta truc, qui est Josette et Bobby, qui est arrivé juste après 2015. C'est un peu ton film d'action à toi. Je sais que tu aimes les films d'action. Oui, et c'est une course-poursuite entre deux personnages. Ouais, ouais. Tu peux pas faire ton film de kung-fu, donc c'était un peu ça. Ouais, parce que en fait, avec Anatole, j'avais gagné un prix où il fallait que je fasse un film pour l'ouverture d'un festival. Et j'avais un petit peu d'argent pour le faire, mais pas énorme non plus. Donc, en volume, je voyais pas comment le faire. Je me suis dit, avec mon pote, là, Stéphane Ricard, je connaissais pas, mais j'ai fait un petit truc sur Flash, à l'époque, un logiciel. Et lui, il a fait la post-prod sur After Effects et tout. Puis on s'est lâché. Alors, comme je fais toujours, à partir de dessins que j'avais fait, j'ai essayé de faire une petite histoire, comme ça, de personnages qui suivent, un peu surréalistes. Voilà, mais en tout cas, voilà, vous le savez, si vous voulez parler à Eric, lui parlez pas d'animation, parlez-lui de films de karaté, ou films d'action, il adore ça. On va faire une pause, et c'est ta pause musicale. Les Meridian Brothers, tu veux en parler un tout petit peu? Golpe Adoles de la Cumbia. Voilà, alors c'est un groupe colombien qui travaille sur le label Bongo Joe, qui en fait prend des musiciens, alors toujours un peu dans cette idée de bricolage, pas des musiciens excellents, mais qui veulent faire de la musique. Donc, un peu comme les gens qui veulent faire de l'animation et qui sont pas bons en dessin, ou soit, tu vois, dans cette idée de le faire quand même, quoi, avec une intention derrière et tout ça. Et là, ils reprennent des morceaux de cumbia, mais avec des instruments électroniques. Donc, il y a un mélange de traditionnel, d'électronique. Ça me plaît beaucoup. Eh ben super, c'est la prochaine piste. Et si on avait marre de mon métal et de ce que je voulais. Ah oui, là. Merci. Eric, on va enfin pouvoir écouter un peu autre chose. On écoute Francis. somos una manada, pateando todos los gomelos, los cumbieros que mandan. Con mi tambor, ay, mi tambor, voy a hacer un sendero pa'l dogmatismo nacional, pa'l cuaro mensajero que me dice lo que debo pensar. Lo importante es que la cumbia suene más fuerte que los problemas. Ça va? Oui, ça va. C'est rien. Pardon, Sylvain. C'est à toi, la boîte? Oui. Oh, elle est bien bizarre. Puis, je vois pas à quoi elle peut bien... Allons, allons. Elle doit bien avoir une utilité. D'après mes observations, on sert tous à quelque chose. En ligne, il est comme ça. Hein. Francis, il ne dit pas, et d'un seul coup, on se retrouve, et c'est là où vous dites quelque chose qu'il fallait pas dire. Juste à ce moment-là. Il est comme ça. Alors, donc, Meridian Brothers, on redit, vous pouvez écouter, mm-hmm. c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des choses complètement différentes dans ce qu'ils font. Donc, c'est assez drôle de les voir. On a entendu deux extraits encore. Nous sommes toujours dans votre cinéma. Un extrait de J'ai trouvé une boîte, mm-hmm. non pas une boîte, je vais absolument l'appeler une boîte, et de Filante. Alors là, la musique dans Filante, on est vraiment plein dedans. C'est la rencontre avec un groupe, c'est ça qui a fait changer ou non? Le groupe est déjà connu avant et comment c'est passé? Ouais, en fait, c'est un groupe qui s'appelle Chamaille, qui sont très copains avec Marin, le producteur avec qui je travaille. Et je les avais découverts sur scène, comme ça, j'avais adoré. Donc j'avais dit à Marin, mais je suis trop fan, voilà. Mais bon, sans penser à potentiellement travailler avec eux après. Et honnêtement, c'est lui pour Filante qui m'a dit, mais écoute, pourquoi on ne demanderait pas à Chamaille, puisque eux aiment bien ton univers, toi, tu les as adorés sur scène, donc... Donc voilà, je me suis dit, bah, let's go, trop bonne idée. Et ce qui était marrant, c'est que eux n'étaient, donc ils sont pas compositeurs de musique de film à la base, mais donc c'était une première expérience pour eux. Et moi, ça me plaisait parce que je me suis dit, bah voilà, j'ai pas forcément envie de faire appel à quelqu'un qui compose spécialement pour un film. Ça me plaît aussi de faire appel à des musiciens qui composent pour danser sur scène. Et qu'est-ce que ça peut donner sur un film, voilà. Je trouvais ça assez chouette. Et c'est venu, comment c'est venu? Donc là, cette histoire filante, c'est l'histoire d'un personnage qui perd son rat, enfin son rat part, tout part, et qui va essayer de retrouver, en mettant des morceaux de fromage, des étoiles filantes, qui va essayer de te retrouver. On dit pas, je sais pas si on peut dire la fin, mais voilà, on peut, je sais pas si on peut spoiler ça. Et à un moment donné, il y a des sirènes qu'on entend à un moment donné. Tout ça, c'était déjà dans ton scénario, déjà dans ton storyboard, ou c'est venu aussi en entendant le style de musique qu'ils faisaient, en disant, ah! Non, en fait, Filante, bah, un peu comme Naissance des Oasis, c'est parti d'un dessin, un peu débilos. Donc là, c'était pas un serpent sur les bosses d'un chameau, mais c'était une chauve-souris vêtue d'une robe à paillettes. Voilà, tout simplement. Et donc, comme pour Naissance des Oasis, je me suis dit, mais à quel moment une chauve-souris pourrait se retrouver comme ça, vêtue d'une robe à paillettes? Bon, là, du coup, je spoil un peu la fin de Filante. Mais c'est à partir de là que j'ai écrit l'histoire. Ce que vous voyez pas, ce que vous n'avez pas, mais le téléphone de Marion est plein de glitter aussi. Ah, toujours. Ça, c'est... Ouais, c'est... Il faut toujours quelque chose à paillettes pas très loin de moi. Ouais, qui soit... Voilà, pour me mettre de bonne humeur. Le film, il est... Il y a une grande liberté de ton. Comment ça s'est passé? T'étais prod, maintenant c'est bon, on te laisse faire plus ou moins. T'as une animatique que tu remontes avant ou non? Comment ça se passe, la création de tes films? Ça, c'est trop bien. Enfin, vraiment, j'ai 100% liberté. Enfin, ouais. Je m'entends super bien avec... Tu travailles tout le temps avec les mêmes? Oui. Bon, enfin j'ai, pour l'instant, j'ai fait deux films après l'école. Donc voilà, mais ouais, tout le temps avec Phénomène Film. Ouais. Qui me laisse une liberté totale, je m'entends trop bien avec eux, donc c'est génial, quoi. Ils me laissent une liberté et en même temps ils ont des retours toujours hyper pertinents sur mes scénarios, c'est vraiment bénef, quoi. J'ai lu quelque part que ce film-là tu l'avais fait en sachant qu'il fallait pas qu'il y ait de paroles, c'est ça? Il était, parce qu'il était inclus dans un programme? Alors c'est ça, c'est un peu particulier, en fait c'est une commande filante. Ouais. D'un distributeur, donc les films du Whippet, qui voulait sortir un programme sur le thème des fées sorcières. Et donc, il leur manquait 6 minutes de programme. Et donc, ils m'ont contacté pour me demander, est-ce que tu pourrais pas nous faire un court-métrage autour de ce thème-là? Et comme c'était extrêmement limité, j'avais vraiment très peu de temps pour le faire, je me suis dit, bon, je vais déjà aller fouiller un peu dans mes tiroirs, qu'est-ce que j'ai comme idée de scénario? Et donc, j'avais cette fameuse chauve-souris vêtue d'une robe à paillettes. Je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être rentrer, fée, sorcière, bon, voilà. Donc ça se fait comme ça, je sais plus c'était quoi la question du coup. Et j'étais déjà sur l'autre question, j'avoue, donc d'un seul coup. Sur la question, mais c'était. Non, est-ce qu'on n'était pas sur toujours la même question, en fait, qui était la liberté de prod? Oui. Je crois que c'était ça, c'est la liberté. Oui, voilà. Et donc, voilà. Et la question, c'était une commande. Ouais. Mais du coup, la liberté, elle a été là parce que, comme j'avais très peu de temps, et il faut le dire aussi, très peu d'argent, je leur ai dit, moi, ok, mais alors, vous me laissez carte blanche, quoi. Donc, à part cette contrainte de rentrer dans le thème, vraiment j'ai pu faire tout ce que je voulais, et après le fait que le film soit muet, c'est parce que justement, comme aussi il y avait cette contrainte d'argent, je me suis dit on va faire un film sans parole, etc. Et d'ailleurs c'était un exercice hyper intéressant pour moi aussi, qui avait l'habitude d'avoir une démarche vraiment proche de celle du conte avec un narrateur, etc. Donc là il fallait que je fasse tout passer par la mise en scène, donc ça m'a donné du fil à retordre, mais voilà. Ouais, puis là, le fait sorcière, c'est... C'est oui. présent, mais c'est pas... C'est... Oui, oui, voilà. C'est oui, pas non, non plus... Non, ouais, parce que quand non, tu dis fait sorcière, ouais. depuis tout à l'heure, je me dis... Donc peut-être que le personnage est une fée, mais c'est pas non, non plus dit. Non, pas du tout. En fait, c'est ça, c'était c'est pas... plus dans l'idée, je crois, fée sorcière, un truc un peu symbolique. De... On peut voir ça, c'est hyper large, hein, comme... Le dark et les paillettes, le bien et le mal, enfin je sais pas, voilà un truc un peu... Non mais c'est intéressant ce que dit dans le cas sur l'idée de mise en scène, parce qu'il y a côté aussi assez réaliste, notamment quand la chauve-souris, en fait quand le personnage montre l'affiche de Ratou, la chauve-souris ne la voit pas du tout et va chercher l'un des petites choses à pêcher, enfin une petite huile, enfin, etc., la ramène, là le voit, donc d'un seul coup tu prends plus de temps dans l'image pour raconter ça. Ouais. Donc là, comme tu dis, donc plus de storyboard, plus de choses, plus de... Ouais, carrément. Plus de temps, d'ailleurs, ouais. Et ça me faisait peur. En fait, j'avais peur qu'on s'ennuie. Je me suis dit, Et donc, ça demande de trouver des petites idées, justement, de faire un film, pas que pour qu'on comprenne... d'écrire des scènes, pas seulement pour qu'on comprenne l'histoire, mais aussi qu'il y ait un petit truc à manger en plus de la compréhension de l'histoire. Je ne sais pas du tout si j'ai été claire, mais... Si. On a de nouveau la lune, donc on a qui apparaît, je pense, dans tous, même dans le rôle, etc. C'est vrai. Dès que je peux mettre un rond, j'y vais, quoi. Donc, ouais, c'est toujours la même chose, c'est ça, cette idée. On a aussi des plaisirs de se dire, tiens, ça ne correspond pas à l'histoire, mais j'ai envie de mettre ce décor-là, cette chose-là, faire plaisir. Complètement, ouais. Parce qu'en réalité, cette histoire, elle aurait pu se passer dans plein d'endroits différents. Mais là, j'avais vraiment envie d'ancrer l'histoire au bord de la mer, dans un phare, mais juste par pur plaisir. Et donc, c'est super parce qu'après, en découle de ça d'autres idées, l'idée de la présence des sirènes, ce qui en plus était top parce que comme la chanteuse de Chamaï a une manière de chanter très lyrique, je me suis dit, c'est super, ça va, elle va pouvoir... Ça me faisait rigoler de me dire que la musique qu'on entendait était chantée par des personnages qui sont dans le film. Donc il y avait tout un enjeu comme ça. Je trouve qu'il y a aussi cette idée, on va revenir, donc il y a des rencontres. Il y a l'idée, alors, je suis désolé, on va spoiler un tout petit peu, mais parce que le moment d'eau, c'est qu'en fait, Tratou vit sa vie ailleurs. Et donc il y a l'idée aussi de laisser les choses... Moi, je pense qu'on peut penser aux enfants, même pour les adultes, mais c'est vrai que là, pour la jeunesse, il y a l'idée aussi de raconter quelque chose et de dire, des fois, on laisse partir des gens ou on laisse... faut les laisser aller vers autre chose. Il y avait cette envie-là. Oui. Comme je disais tout à l'heure, c'était pas du tout le point de départ. Oui. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais tellement ça en moi. C'était vraiment... que c'est ressorti, en fait, dans cette histoire. Et c'est pas une volonté de départ, mais c'est toujours agréable par contre d'être surpris et de se rendre compte que les choses ressortent comme ça. Enfin, c'est très très cathartique. C'est rigolo parce que tu dis qu'il y a pas moins d'argent, il y a moins de temps, et pourtant il y a plus de détails dans les décors. On a l'impression qu'il y a plus de choses, il y a moins peut-être de personnages, mais il y a plus... Tant mieux s'il y a cette impression. Je pense que c'est peut-être... Là, je me suis bien lâchée dans le travail de la texture. Parce qu'en réalité, par exemple, si on repasse mes décors juste au trait, il y a très peu d'éléments. Mais la complexité, elle est plus dans les textures. On a l'impression que c'est très chargé, mais en fait... Enfin, pas chargé forcément, mais plus de détails. C'est quelque chose C'est sur bon titre. Et non, alors en fait, oui, voilà. Tu vas demander. Allez, la technique. C'est là la petite magouille. C'est que non, en fait, j'ai fabriqué les décors à la main, mais après j'ai scanné et c'est animé sur After Effects. Voilà. Quand il n'y a pas d'argent et quand il y a moins de temps, il faut aussi trouver des choses. Et puis surtout, il y avait. Ouais, je sais plus pourquoi. Oui, non, j'allais dire une bêtise parce qu'il y a beaucoup d'eau, donc ça aurait peut-être été une belle galère sur bon titre. Mais bon, après, tout est toujours possible. Hein, mais... D'ailleurs, je me demande, je les ai revus, je me demande si l'eau, t'as pas le même jeu d'eau en rond comme ça, comme il y a dans l'eau boule et comme dans l'eau boule. C'est des boucles. Ouais. Mais j'ai adoré ça, justement, essayer de. Parce qu'on nous a toujours dit, mais l'eau, c'est le truc le plus dur à faire en animation. Et donc pour un film où il n'y avait pas de temps et pas de budget, je me suis dit bon, c'est peut-être un peu débile d'avoir voulu mettre l'histoire au bord de la mer, mais en même temps ça permet de se questionner sur comment synthétiser au maximum des matières un peu complexes, et ça donne des trucs un peu rigolos, quoi. Enfin, quand on parle de l'eau, moi je parle maintenant toujours de Ponyo sur la falaise, donc Miyazaki, il fait trois styles d'eau différents. Il fait un réaliste, un abstrait, et de se dire on n'est pas obligé d'aller dans le réalisme comme ils ont pu l'être. Et en fait, aussi, on peut jouer ouais. avec ce qu'est la forme de l'eau et ce qu'est la forme de la mer. Et ouais. Pogno est un très bel exemple, justement, de se dire... Là, on n'est pas obligé de se dire forcément c'est difficile, on peut jouer avec ça aussi. Mmh. Alors, avant de parler, j'ai trouvé une boîte, il y a un caillou dans la chaussure. Ça y est, Eric Monchaud commence à réaliser plus souvent. Ça y est, tu veux plus t'arrêter. Même si tu travailles sur d'autres films, on en reparlera. Oui, mais j'ai pris goût, hein, quand même. Ouais. Ouais, ouais. Et t'as des prods qui arrivent plus régulièrement. Enfin voilà, t'as plus facilité à dire aux gens, je suis là, j'aimerais faire ce film-là. Non. Non, c'est toujours aussi. Non, en fait, je comprends pas ta question. Est-ce que tu disais que pour ton film autoproduit, t'avais pas forcément été vers un producteur, Est-ce que maintenant aujourd'hui t'es un peu plus tranquille par rapport à ça? Ouais, sans doute. Mais bizarrement, je change de prod à chaque fois. Ouais. Je sais pas pourquoi, parce que je m'entends tout le temps plutôt bien avec. Mais je sais plus, la première fois c'était avec JPL, mais c'était à Rennes, et je leur ai proposé justement un caillou dans la chaussure, mais ils voulaient pas produire le film. Donc là, j'ai proposé à XBO. Ouais. Parce que j'avais travaillé avant chez eux sur la série Les Kiwis, et j'aime bien comment ils fonctionnent là-bas à Toulouse. Il y a un petit côté un peu artisanal et tout ça que j'aime bien. Et puis il y a des gens que j'aime bien aussi. Donc voilà, j'ai proposé là-bas. Et pour celui d'après, c'était quoi après? C'est Sacrebleu, parce que Toulouse, c'était loin. Je me suis dit, je vais essayer de contacter une prod qui soit à 5 minutes de chez moi. Et c'était Sacrebleu, donc je les ai contactés. Et puis, voilà. On en reparlera avec normalement peut-être un second film. Donc là, tu vas peut-être changer de producteur, a priori, nouveau. Dans la cahute dans la chaussure, c'est toujours dans... Alors, c'est pas dans la veine de la petite histoire d'Anatole, mais en tout cas, il y a cette volonté de raconter des choses et, encore une fois, peut-être de parler là aux enfants aussi, toujours la différence et d'acceptation de l'autre. Ouais, alors, que ça soit destiné aux enfants, en fait, un peu comme toi, moi, j'ai pas cette idée-là au départ, en fait, je construis l'histoire un petit bout par bout, comme ça, et puis il se trouve qu'à la fin, ça correspond plus aux enfants, et je pense que mon graphisme aussi, dans les choses que j'aime, en tout cas, ça... Et ce que je sais faire, ça correspond plus à un univers proche des enfants. Donc, voilà, l'histoire, le graphisme, tout ça, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on dit oui, c'est un film pour enfants. Mais si je dis ça, c'est je pense qu'on a envie aussi que ça soit, c'est qu'il y a tellement de mauvais films pour enfants, ou en tout cas ce qu'on peut considérer graphiquement, visuellement, des films qui se ressemblent tous, ces films-là, que d'un seul coup, et c'est peut-être pour ça que de plus en plus de programmes de courts-métrages sortent en salle aussi, c'est que je pense qu'il y a de plus en plus de parents qui ont envie d'avoir des graphismes différents et aussi des histoires qui parlent et en plus dont ils peuvent parler ensuite avec leurs enfants. Enfin, je suppose que tous vos films, ensuite on peut sortir de la salle et dire, bon, t'as compris quoi, et d'en parler, et d'avoir une vraie relation. Et là, par exemple, que dans la chaussure, c'est ça, c'est vraiment c'est un sous-loup de se dire, t'as vu, ton petit camarade, il est peut-être pas comme toi, mais peut-être qu'il a une histoire derrière qui fait que là, il a peur de la lumière, par exemple, il a peur de... Oui, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un pouvoir autoritaire. Non, c'est parce que c'est rigolo, je voudrais absolument dire par rapport à la jeunesse, et finalement de se dire que peut-être que de l'autre côté, les distributeurs ou les gens qui font aiment aussi vos films, parce que d'un seul coup, on peut les prendre et de se dire... Alors après, sur Le caillou dans la chaussure, justement par rapport à ces méchants avec la lumière et tout, j'avais écrit quelques petites scènes qui étaient, selon moi, pas tellement violentes, mais... qui pouvait représenter le danger de... Tu l'as vu le film? Il y a des géants comme ça, puis en fait, il y a une lumière qui sort et puis qui tue ce qu'elle touche, en fait. Okay. Là. Et donc, il y avait un oiseau, à un moment donné, qui passait dans le faisceau, tout ça. Et à l'époque, on recherchait les chaînes de télé pour financer le film et tout. Ouais, là, ça pose problème quand même, tu vois, c'est un peu violent et tout. Et donc on a essayé de réécrire le truc et tout, mais en fait c'était tellement édulcoré finalement à la fin que on représentait plus le danger. Donc finalement il n'y a pas eu de chaîne de télé et j'ai fait ce que j'ai voulu. Et il y a un moment donné un personnage qui rentre dans le faisceau qui se fait complètement désintégrer, une petite bestiole pareil, et ça fait pas peur finalement aux enfants, ou même si ça leur fait peur, je pense que ça c'est important quoi. Il faut pas édulcorer, en fait, même film pour enfants. C'est ça qui, des fois, dans les retours que j'ai, dans ce que je propose et tout, notamment dans le prochain avec Sacrebleu, il y a des personnages qui se tapent sur la tête, mais d'une manière un peu absurde. Après, la tête, c'est comme un œuf. Et puis, il y a des oiseaux qui sortent et tout ça. On me dit, ouais, mais ça, tu vois, c'est un peu violent pour les enfants et tout. Moi, J'ai l'impression qu'il faut quand même garder un peu le côté cruel, un peu... enfin, c'est pas méchant, c'est poétique, c'est quoi. Clair. Je veux dire, voilà, oui. C'est. Et puis l'animation, enfin, je l'animation fait passer ça, ouais, exactement. Beaucoup de distance avec ouais. toutes ces scènes-là, donc au contraire, enfin. C'est pour ça que j'ai dit distributeur et pas diffuseur. Ouais. C'est deux choses pour moi complètement différentes, parce que les diffuseurs vont avoir la trouille tout le temps. C'est hallucinant, Oui, parce qu'ils ont peur. Alors, Joseph Jacquet, c'était intéressant de français, on disait le problème, c'est qu'on a peur aussi de la lettre. Juste d'une lettre, de la personne qui va passer derrière l'écran à un moment donné, qui va voir et qui va dire comment vous pouvez montrer ça à mes enfants, etc. Et souvent, c'est juste la personne un peu imbécile, ou on l'appelle comme on veut, mais en tout cas qui va d'un seul coup. Et donc cette inquiétude-là qui malheureusement est toujours présente. Ouais. Alors que là, je veux dire, l'enjeu, c'est du court-métrage. Enfin, je veux dire, qui voit ça, quoi? C'est des gens en festival, un petit peu à la télé, mais. Enfin, ça doit être un espace où on peut se permettre de faire un peu ce qu'on veut, quoi. Vous avez des rencontres avec les. Alors, pas que les enfants, les adultes aussi, mais en tout cas avec les spectateurs, spectatrices et. Parler, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est le moment qui est agréable aussi de parler avec des gens et d'avoir des questions et. Eric, Moi je vais peu en festival et tout ça finalement, mais oui j'aime bien quand on me dit qu'on aime bien mon film, j'adore. Hein. Comme tout le monde. Les enfants des fois ont des questions qui sont déroutantes, qu'on s'y attend pas forcément. Est-ce que vous avez des rencontres des fois comme ça? Alors j'ai des rencontres finalement peu, mais j'avais eu des écrits à un moment donné parce qu'il y a une prof qui avait demandé à ses élèves d'écrire justement un caillou dans la chaussure. Ouais. Et en fait, ils avaient tout compris, quoi. Et puis, j'ai trouvé ça super, quoi. Alors que je l'avais montré à mes parents, et ils avaient rien capté, quoi. Ils disaient, putain, mais on comprend rien, ton film, et tout, c'est hyper mal fait. Et là, je me suis dit, oui, finalement, si tu fais des films pour enfants, c'est pas pour rien, quoi. Je dois avoir un univers proche d'eux, je sais pas, inconsciemment, quoi, parce que moi je cherche jamais à faire un film pour enfants, mais ils comprennent toujours ce que je veux faire. Là, j'ai eu ça aussi, c'est marrant. Donc des fois j'ai l'occasion de projeter le film dans des écoles, et donc il y avait l'enseignante qui m'a dit, oui, j'ai pas tout compris au début, machin, et pourtant j'ai demandé à mes élèves de résumer, et eux, direct, ils avaient tout capté, quoi. Donc ouais, je sais pas. Peut-être, parce qu'en fait, quand t'es enfant, tu te racontes des histoires, ça part dans tous les sens. Hein, c'est je veux ça. Dire, Il y a quelque chose qui est important dans le monde de l'animation, c'est aussi d'un seul coup, c'est de pas fermer son imaginaire. Moi, j'aime pas quand on dit on a encore notre âme d'enfant, moi j'y crois pas trop, mais c'est juste pas fermer son imaginaire et garder une vision de la vie, si possible, la plus ouverte possible, ce qu'ont les enfants. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Et que finalement, il y a un film qui est célèbre, qui s'appelle La Saint-Festin, de Dafis et Marchand, qui est un ogre qui mange des enfants. Et on leur avait dit, mais faut pas. Papa, les enfants, ça va. En fait, ils ont jamais autant de prix que par des juniors et par les enfants. Les enfants, comme tu dis, aiment bien, de toute façon, avoir peur. Ouais. Aiment bien. Et puis, au contraire, comprennent souvent. Mmh. Et c'est souvent les parents qui, après, ont peur. Ouais, parce qu'ils cherchent des liens, ils cherchent à expliquer, ils cherchent un truc un peu qui ait du sens, quoi. Alors que. La vie n'a pas de sens, les enfants le savent, donc en fait, c'est beaucoup plus facile pour eux de comprendre des films où on leur dit, vous savez, c'est plus compliqué et bon, est-ce qu'on peut trouver. Parce que c'est ça qui est joli, c'est ça que j'aime bien dans vos films aussi, c'est qu'il n'y a pas de la morale, parce que la morale est un terme qui serait pas beau, mais en tout cas, il y a l'envie de dire, attendez, peut-être qu'on peut essayer de comprendre un peu mieux les autres. Se comprendre mieux, mais sans justement absolument appuyer dessus en disant regardez, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Vous faites attention à ça quand on voit. Moi je fais justement attention à ne pas faire ça et que ça vient après naturellement. Ouais. Justement, quand tu disais oui, il y a plein de films médiocres pour les enfants et tout, mais je pense que c'est fait par des gens qui justement essayent de se mettre à la place des enfants et se disent on va faire un truc pour les enfants, et je pense que c'est pas un bon point de départ, parce que c'est là où du coup c'est pas honnête et ça part sur un truc hyper moralisateur et voilà. J'ai trouvé une boîte avant de faire une petite pause, on parlera d'autre chose, mais j'ai trouvé de nouveaux peu de décors, j'aime beaucoup, on l'a entendu d'après mes orations, on sert tous à quelque chose. J'aime bien cette idée qu'en fait, alors que c'est pas forcément vrai, et que justement, est-ce que le film, c'est parti de là, c'est parti de quoi, c'est parti de. C'est parti de la boîte, en fait. Parce que, en fait, moi, je dessine très mal, mais je dessine beaucoup. Donc, j'ai des carnets comme ça, avec beaucoup de petits dessins. Et j'avais notamment cette boîte, après que j'avais décliné en plein d'autres boîtes. Et c'est à partir de ce dessin, j'imaginais à quoi elle peut servir. Donc, c'est ça, pardon, c'est un personnage qui qui trouve une boîte. Qui trouve sur une boîte et qui se demande à quoi elle sert. Et vendrait des gens qui vont lui dire ah ouais, je pense que ça sert à ça. Voilà, après, oui. C'est un film un peu rigolo. Ouais. Vite fait, quoi, mais non, que, j'ai, que j'ai voulu un peu drôle. C'est et il y a du dialogue pour une fois. Ouais. Et puis qui raconte, qui est drôle, mais qui a aussi l'idée de se dire est-ce qu'il y a besoin de forcément trouver encore une fois un sens à tout ouais. Est-ce qu'on peut ? Et ce qui est rigolo, alors c'est dommage parce que le film est encore un peu récent, donc ça, on ne veut pas trop le spoiler, mais la boîte sert peut-être à quelque chose, mais en fait, c'est ce quelque chose, c'est peut-être rien en même temps. Enfin, c'est comme un objet artistique, un peu quoi. Ouais. Donc il y a un jeu. On retrouve, pareil, on va retrouver plein de monde qu'on a déjà trouvé. Évidemment, Pierre-Luc Grandjean, on va trouver pas mal de gens, mais surtout, tu peux nous parler de Bernard Bouillon, donc qui fait la voix, qui est très importante. Oui, alors Bernard Bouillon, alors pourquoi ? C'est parce que je l'avais entendu sur le film de Gréco et Buffa, La Sacoche ? Non, comment ça s'appelle ? La Sacoche Perdue ? Non, le premier. Dans le bus. Dans le bus, La pizza, C'est terrible parce que film, on se souvient tout le temps en disant. Mais non, en plus, non, mais elle ne l'avait même pas scotché, on se souvient de ça. Et des fois, on ne se souvient pas du film. On regarde, mais Francis. Vas-y. Alors voilà. Et j'avais entendu sa voix dans ce film il y a très très longtemps. Et puis, en fait, j'ai pensé à lui là sur la voix parce que je voulais une voix un peu singulière entre l'enfant, l'adulte. On ne sait pas vraiment parce que c'est un petit oiseau qui découvre la boîte. Et bon, je voulais pas qu'on sache. Et puis lui, il a cette voix particulière qui est entre l'enfant, l'adulte. On ne sait pas bien. Et voilà, c'est pour ça. Il y a une vraie rencontre avec. Il y en avait plein, on en a parlé d'Anadidus. Je reviens juste sur Pierre-Luc Grandjean parce qu'il a le même discours que vous. Cette idée de se dire, moi, je fais des films peut-être à hauteur d'enfant, mais c'est juste ce que je ressens. Et que finalement. Ouais. Et je trouve que la voix aussi. D'ailleurs, il est sur son dernier film. Bizarrement, il avait choisi ça aussi. C'est pour ça Bernard aussi. Bouillon, donc c'est Bernard Bouillon aussi. Et ça marche tellement très, bien. Très alors, bien, film aussi, ça marche bien. Donner des conseils des fois comme ça. Voilà, c'était par hasard, franchement. Ouais. Je savais pas qu'il l'avait choisi, c'est en cours de route. On s'est rendu compte qu'il avait travaillé sur nos deux films. Pierre-Luc, moi, je l'ai rencontré il y a très longtemps, l'époque où j'étais à La Poudrière. En fait, je travaillais aussi un petit peu, assez rapidement, à Folimage, parce qu'il y avait. En fait, l'école était à côté de Folimage, parce que l'école a été fondée plus ou moins. Par Jacques Rémy Gérard, qui s'occupait de Folimage. Et donc, je travaillais sur une série là-bas, l'hôpital Hilltop, où il y a beaucoup de gens de l'anime qui sont passés d'ailleurs, et dont Pierre-Luc, qui lui, à l'époque, faisait la conception des personnages. Donc, je l'avais rencontré à cette époque-là, déjà Pierre-Luc. Ouais. Et c'est la bouche cousue. Et c'est la bouche cousue. Ouais, Catherine Buffa qui a travaillé sur. Et Catherine Buffa qui a du coup animé sur J'ai trouvé une boîte. Ouais. Comme quoi, petite famille. Allez, on va faire une dernière pause, a priori, une avant-dernière pause peut-être, ça va dépendre du générique final. On va écouter un groupe, Floating, c'est un EP, c'est depuis, je dis à chaque fois à Francis, LP, EP, il me dit, mais non, c'est un EP, il y a quatre trucs, d'accord, pardon, excuse-moi. Donc maintenant, je fais très attention, donc c'est leur troisième, ça peut être un troisième album du mois qui est sorti le 11 juillet, je me fais plaisir. C'est le second EP du groupe Floating, qui a aussi deux longs de LP, donc comme quoi voilà, je le regarde en plus pour être sûr à son actif. Ici on est alors dans un tempo plus calme que les spécialistes, j'en sais pas, mais appellent slowcore. Voilà, on a plein de noms de métal un peu différents. Après vous constaterez, le groupe va un peu plus vers du screamo moi j'aime beaucoup ça, qui hurle comme ça à un moment donné. La voix de la chanteuse guitariste Rose Brown, ça fait plus lourd à un moment donné. On va écouter le morceau qui s'appelle Complete Detail, qui débute l'EP. Merci Francis. on est en antenne, merci. 20 secondes et tout. On en parlera après lors de la prochaine pause. Ouais. Ce qui est intéressant, et bon, les gens le savent dans l'animation, mais pas, c'est qu'en effet, vous faites plein de choses à côté. On va commencer peut-être par Eric. Mm-hmm. Eric, tu as fait beaucoup de pubs, on en a déjà parlé un peu. Tu as travaillé avec, on va peut-être commencer par le nom que plein de gens connaissent, qui est Michel Gondry. Ouais. Tu as cité Cédric Mercier. J'aimerais citer, parce que bon, c'est un peu l'une de mes chouchous, et elle a sorti un film récemment sur Vimeo, c'est Valérie Persson. Oui, aussi. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Ouais. C'était, paraît-il, Valérie Persson en parlait, c'était à la fois un plaisir de travailler avec Michel Gondry, c'est pas toujours évident parce qu'il faut travailler dans des conditions, c'est rapide, peu de temps pour animer. Oui, alors moi donc j'ai eu deux expériences avec lui. La science des rêves et l'écume des jours. Alors la science des rêves, c'était très sympa. On était en fait moi, j'avais mon pote Cédric qui avait déjà rejoint le tournage qui se déroulait en Cévennes dans la maison de sa tante, la maison où il allait quand il était tout petit. Donc, c'était vraiment on tournait dans les granges, tout ça. Et lui, Cédric, était venu au départ pour faire les décors, travailler sur les décors. Et Michel Gondry devait faire toute l'animation seul. Et il s'est rendu compte assez rapidement quand même que tout seul, les marionnettes, tout ça, parce qu'il fait beaucoup de choses en papier découpé, mais en marionnette, il maîtrise un peu moins quand même. Et donc là, c'est vrai, il a dit, mais moi, je sais animer. Donc il a commencé à animer, puis en fait, même lui, bon, après lui, il est très lent, très perfectionniste, donc il s'est un peu noyé dans le truc et tout. Il dit, ah, vite, Eric, viens. Et puis donc, c'est pour ça que je me suis retrouvé à passer 2 mois là, dans les Cévennes à animer sur la science des rêves, et ensuite à Paris. Où là, j'ai rencontré Valérie, du coup, qui travaillait, je crois, sur les certaines séquences sur banc-titre, où elle faisait plein de trucs expérimentaux avec des liquides, du papier, enfin, mélangeait plein de trucs. Je vous conseille toujours Pistache, son film de l'Est. Pistache, ouais, c'est voilà, super beau, voilà, que j'ai découvert après, c'était super bien. Et donc, voilà, après Valérie, du coup, elle est passée réalisatrice chez Partisan, la boîte qui produisait Michel Gondry. Donc moi, j'ai travaillé pour elle comme animateur, avec Cédric. Et je me suis retrouvé aussi donc sur le deuxième film. Et là, c'était un gros, gros film, et on était là depuis le départ, même en amont. Je crois que ça a duré 4-5 mois, le tournage, un truc comme ça. Et notamment, il y avait un mois où on expérimentait un peu des choses et tout. Et moi, j'avais affaire à Gondry, mais surtout à Valérie, parce que Valérie était le relais pour être réalisatrice de la partie anime, quoi, en gros. Parce que c'était un tournage un peu particulier. Il y avait un département anime, donc qui était un peu géré par Valérie. Il y avait les maquettes, il y avait des effets spéciaux, il y avait le tournage. Enfin, il y avait plein de petits trucs comme ça, à droite, à gauche. Et ça se passait assez mal. D'après ce que j'ai pu comprendre sur le tournage avec les acteurs. D'accord. Parce que Gondry, à ce moment-là, était un peu débordé, je pense. Il y avait trop de trucs. Il n'allait pas très bien non plus. Il passait ses journées là-bas, en fait. Il tournait... Parce que nous, la partie anime, parfois, on les tournait dans les décors. Donc, il y avait les acteurs qui tournaient l'après-midi. Et nous, on était là le soir, toute la nuit, quoi. Et Gondry, lui, était là tout le temps. Donc on le voyait des fois débarquer en pyjama. Ah ouais, c'est super ce que vous faites. Lui, la partie anime, c'était un peu sa récréation. Il aimait beaucoup, quoi. Et même s'il a pété un câble par moment, il virait des gens. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, il avait une pression, je pense. C'était un gros projet quand même qui lui tenait à cœur. Et voilà. Et donc la première expérience, c'était bien, bien sympa, bien cool et tout, à la campagne, dans les Cévennes, c'était super beau et tout. Puis après, c'était à Paris où là, malgré tout, ça allait, mais il y avait un petit peu de tension, quoi, quand même. Ouais. Mais je pense que Valérie a dû le ressentir beaucoup plus que moi. C'est juste qu'elle disait, c'est vrai que la science des rêves, elle racontait ça, c'était un bonheur, c'était un plaisir, on pouvait expérimenter, il y a plein de choses, et le cum des jours, qui est aussi adapté Boris Vian, c'est pas évident, la science des rêves, c'est plus l'univers de Gondry de suite, on est, c'est vrai que d'un seul coup, d'adapter. Et elle disait, sinon, ce qui était compliqué, c'est que des fois, vous animiez dans un décor qui allait peut-être être détruit 3 jours après, il fallait se dépêcher. Il y avait une espèce d'urgence qui n'était pas toujours évidente à gérer. Non. Non. Malgré tout, ça va, on va pas se plaindre. Après, pour moi, en fait, c'était super bien parce que j'ai expérimenté plein de trucs. On me demandait d'animer des bulles de savon. Donc, on devait trouver comment faire. Donc, on a fait mouler des petites cloches comme ça en verre de différentes tailles après pour qu'elles explosent. Enfin, c'était très. enfin pour moi en tout cas très amusant. Après Cédric, je sais lui il en a chié vraiment parce que il s'occupait beaucoup plus de la partie technique, donc des armatures, des personnages et tout ça. Et des fois Michel Gondry avait une idée du jour pour le lendemain, donc il fallait construire un truc un peu en urgence, voilà. Ouais, donc sur cette partie-là, des fois, ouais, c'était un peu galère. Mais... Parce que là, il faut avoir l'argent de Wes Anderson. Où il fait la même chose, sauf qu'il y a beaucoup d'argent. Ouais, et donc, les gens qui font les marionnettes disent, lui disent visiblement que Keller, par exemple, qui travaille, ça va pas être évident, là, en fait. C'est pas grave, enfin, en gros, on peut allonger un peu plus d'argent. Ah oui, okay, ce qui fait qu'on peut un peu plus facilement, on va dire que... Bah là, je crois qu'il y avait un gros budget, mais bon, peut-être pas quand même de la mesure. Je pense que les acteurs ont dû... Oui, les acteurs ont dû... On a dû prendre pas mal, sur le cum des jours. Voilà, je pense qu'il y a eu pas mal. Donc, il y a ça, il y a Gondry, il y a les séries. Séries, pas mal aussi. Dimitri, alors qu'une spéciale, mais il y a pas mal, objectivement, de Grégoire Sivan, pas mal. C'est difficile, c'est en série ou t'aimes ça? Ouais, j'aime beaucoup. J'adore. Le rythme. Bah, ça dépend des séries, quoi. Mais sur les Kiwis, il y avait vachement de contraintes parce que les marionnettes n'étaient pas super. Mais on était assez libre de faire des trucs un peu drôles, un peu délirantes et tout. Donc c'était. Non, j'aimais bien. Après, là, en vieillissant, ce qui est plus dur pour moi, c'est de partir de chez moi, en fait. Parce que sinon, c'est partir à Toulouse pendant 3 mois, 4 mois, tout ça. Et ça, c'est vrai que maintenant, j'ai un peu de plus en plus de mal. C'est pour ça que j'ai de moins en moins de boulot, d'ailleurs, parce que je refuse. Et puis aussi, le fait que je sois réalisateur, je pense qu'on m'a identifié un peu plus comme réalisateur et moins comme animateur. Et puis, comme je suis vieux, les jeunes réalisateurs, ils préfèrent travailler avec des jeunes animateurs, ce que je comprends. Et puis, plutôt que se retrouver avec un vieux gars, tout ça. Il n'y a pas qu'une question de vieillage, je pense qu'il y a des réseaux aussi. Toi, tu as de réseaux aussi. Et ce qui se fait aujourd'hui, qui était étonnant à une époque, enfin, moi, c'était pas comme ça, c'est que les écoles, beaucoup, travaillent en elles-mêmes. D'un seul coup, c'est reprenez dans les anciens, ou prenez, etc. Puis on connaît les années, etc. Donc finalement, tout le monde travaille avec les gens qu'on connaît. Oui. Comme c'est vous pouvez travailler finalement avec les gens que vous connaissez aussi, quoi. Oui, oui, exactement. Dernière petite question, avant de poser assez des questions sur ce qu'elle a fait d'autre que l'animation. La pub, tu as fait des pubs avec du Lego, de l'origami, voilà, Babybel. T'as assez osé d'ailleurs, hein, Babybel. Côté naturiste, ils sont plus mûrs, etc. J'ai vu ça. Ah ouais, quand même, hein, c'est un peu Chanel et Mag. Enfin, c'est quoi? C'est un plaisir aussi. Alors, il faut travailler, mais il y a quand même un plaisir d'expérimentation. Ouais, aussi, finalement. Il n'y a vraiment aucune pub que j'ai détesté faire. Puisque ça dépend vachement des réalisateurs, en fait. Et les réalisateurs. Là, pour ceux pour lesquels j'ai travaillé, Valérie, j'ai travaillé beaucoup aussi avec un couple, enfin, ils ne sont pas ensemble, mais Pete and Flo, deux Allemands. Ouais. Et ils aimaient bien aussi tout ce qui était un peu foutraque, un peu expérimental et tout. Donc, finalement, après, pour Chanel, c'était moins le cas. Par contre, là, il fallait mettre des gants, animer, tout ça. Là, c'était moins amusant, mais quand même, ça reste des animations d'objets, quoi, malgré tout. Donc, on se dit, je bosse pour Coca et Chanel, mais c'est pas grave. Ouais, moi, je me suis dit ça pendant très longtemps. Cédric, lui, par exemple, il n'en pouvait plus, tu vois. Il a l'impression de se corrompre dans le capitalisme, ce que je peux très bien comprendre. Et donc, il a complètement arrêté de faire ça. Ouais. Et moi aussi, pour le coup. Mais quand même, moi, si on m'appelle, je fais. Hein. Sauf si c'est l'armée d'assaut et tout ça. Hein, mais quand même, travailler et puis très. Ouais, j'aime bien, quoi, en fait. Et puis finalement, des fois, ça peut permettre. La pub de Coca, elle est plutôt rigolote. Enfin, oui, plutôt, voilà. Finalement, toi, c'était Valérie qui réalisait. C'était quand même. L'univers graphique était quand même assez sympa, quoi. Alors, non, qu'est-ce qu'on fait entre deux cours? Parce qu'on sait bien, les cours, c'est pas ce qui fait vivre complètement. Tu nous as bien dit qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Et donc, j'ai noté, en effet, beaucoup d'ateliers. On va parler d'autres choses, mais les ateliers ont pris une part importante. Bah oui, en fait, par la force des choses, ce qui est rigolo, c'est que même. Enfin, on dit que je fais donc des choses pour les enfants, mais moi-même, je ne me considère pas forcément à l'aise, à la base, avec les enfants. Mais à force de festivals, de rencontres, etc., j'ai appris à les apprivoiser. Voilà. Et c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé de faire des ateliers. Donc maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de mon travail aussi, de penser à la médiation autour d'un projet. Donc, et puis, il faut l'avouer, c'est ce qui me fait aussi pas mal vivre. Mais d'un côté, tant mieux, parce que je trouve ça chouette de partager, de partager ça avec les enfants. Et puis moi, ça me laisse beaucoup de liberté à côté pour pouvoir traîner sur des projets justement qui n'ont pas forcément trop de budget, mais comme moi par ailleurs je me sécurise avec ces ateliers, ben moi c'est voilà, j'ai une autoroute devant moi de liberté pour créer, donc ça c'est quand même super quoi. Est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que c'est pas encore complètement annoncé, les prochains ateliers pour les gens à Paris qui voudront amener leurs enfants dans une institution un peu connue? Oui, c'est quelque chose qu'on peut dire. On peut le dire, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est encore possible de s'inscrire, parce que oui, je vais donner des ateliers à la Cinémathèque française tous les mercredis. voilà, mais je crois que donc, c'est un petit groupe d'enfants, mais il me semble que c'est déjà complet, malheureusement. Déjà complet, ouais. Mais je sais qu'ils font ça tous les ans, et tous les ans, ça change de cinéaste, donc c'est trop bien. Enfin, vraiment. En plus, ils ont du super matos, donc on va pouvoir faire des trucs. À pouvoir bien s'amuser, quoi. Ça te plairait, Eric, ça? Ouais, mais j'en ai fait pas mal à l'époque, pour Cyclic, notamment. Enfin, avant que ça s'appelle Cyclic, c'était APCVL. Et oui, j'en ai fait, ouais, j'aimais bien. Il y a plein d'autres choses aussi. Tu disais tout à l'heure, c'est rigolo de regarder, parce qu'on sent l'envie de faire plein de choses, notamment manuelles, comme tu le disais. Il y a des sculptures, des céramiques, il y a des gommettes quand même si tu n'as pas fait des films, il y a des cerfs-volants. Oui, oula, wow, ça c'est. Il y a plein de choses, c'est des petites expérimentations comme ça. Ouais. Je sais qu'il y a aussi mon compagnon est architecte, et lui il travaille beaucoup, il pense beaucoup ses projets par la maquette, et donc j'ai pas mal été petite main aussi sur des projets à lui, et je me suis pas mal éclatée. Et il travaille beaucoup avec le papier aussi. Donc les prêts au Japon, c'est avec lui, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Il a travaillé au Japon, donc ouais, franchement, j'ai eu la chance de partir là-bas pour son boulot. On a transporté 15 maquettes dans l'avion pour aller les présenter là-bas. J'ai aussi fait un projet d'hôtel de glace. J'ai participé au chantier d'un hôtel de glace en Laponie. Enfin, vraiment des trucs. J'ai eu accès à des trucs un peu zinzin avec lui, ça c'était. Et du chara-design pour Vianney. Oula, Oula. Ça c'était. Mais j'étais encore étudiante, je crois. oui, je sais plus comment c'était. C'était un ancien prof du DMA, voilà, enfin qui bossait, enfin qui connaissait une boîte, qui cherchait quelqu'un pour dessiner un éléphant pour la tournée des Zéniths de Vianney. Donc oui, il se trouve que j'ai chara-designé l'éléphant. J'essaie de trouver sur internet, mais oui, c'est difficilement trouvable. J'ai regardé, en plus Vianney, il y a plein de choses, donc on essaye de taper. Mais je crois que j'avais même pas vu le final de ce projet. T'as pas été au concert? Et non. Alors quand on regarde tout ça, pareil, céramique, sculpture, ouais, à chaque fois tu dis c'est des choses que tu arrives à vendre un petit peu, que tu essaies de vendre sur des trucs, ou non? Pas du tout, là franchement c'est vraiment, en tant que bonne bobo parisienne, je me suis mise à la céramique, mais franchement c'est vraiment juste comme ça, pour faire des super cadeaux de Noël et des cadeaux d'anniversaire. D'accord, quoi. Mais non, il n'y a pas une ambition derrière ça, voilà. Même si, ceci dit, des fois, comme ça tourne souvent autour d'inventions de personnages, j'ai pu réutiliser... des personnages que j'ai fait en volume, par ailleurs, après dans mes projets. Et tu fais ça dans un atelier ou... Oui, ouais. Là, je me suis inscrite avec la mairie de Paris. Ah oui, c'est ça. Okay. Ouais, parce que moi, ça m'intéressait. Je voulais faire ça à un moment donné. Ouais. Ça, c'est... Bah ouais, parce qu'ils sont assez accessibles, mais par contre, c'est complet super vite. Il faut être là à 8h début juin pour s'inscrire, oui, je crois. Okay, mais sinon. Faut avoir son petit texte en disant pourquoi t'as envie de faire ça. Normalement, enfin. Alors là, non, on nous a pas demandé de lettre de motif, mais par contre, il fallait être vraiment connecté bien à l'heure. J'ai appris le japonais comme ça, et je me rappelle, c'était en disant pourquoi ça va vous servir dans votre cursus, parce que comme c'est pas cher, et c'est vrai que c'est ouvert à plein de monde, c'est vrai que c'est intéressant de. D'avoir ça, quoi. Donc, faut regarder. Okay. Septembre. Regarde quand même, on ne sait jamais, mais c'est septembre. Là, c'est trop tard. Un peu tard. C'est tard. Quand on aime tout ce qui est à la main, tout ce qui est fait, quand on vient te voir et on dit, ça dirait de faire du vidéo mapping, on fait, wow, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc 3D qu'on va projeter sur les trucs, ou au contraire, ça, ah bah tiens, une autre expérience, pourquoi pas? Bah non, trop bien. Un peu peur. De toute façon, j'ai toujours peur au début de tout nouveau projet. Hyper flippée, mais en même temps, je me dis bon, bah let's go. Et je savais qu'en vidéo mapping, parce que oui, du coup, on m'a proposé ce projet de vidéo mapping. En fait, je savais que ça servait à rien de travailler la texture puisque ça se voit pas. Donc, j'ai tout misé justement sur cette manière de créer les images dont je parlais tout à l'heure par le jeu de construction. Donc, je me suis dit, je vais faire ça sur Illustrator. Et on va tout construire avec des formes, puisque c'est ça qui se voit, et les couleurs. Et là, ce qui était trop bien, c'est qu'en plus, donc il y avait une super équipe d'animateurs qui ont animé ça super bien. Donc moi, j'avais juste à penser l'univers, Et là, il n'y avait pas forcément une narration hyper complexe, parce que voilà, c'était plus du spectacle sur de la musique, comme ça. Alors, on retrouve les anciens de la Corbe, il y a Suzy Lou, voilà, qui a aussi, qui avait fait aussi des films plutôt jeunesse, en tout cas, qui avait essayé, pas que ça. Et donc, on retrouve, voilà, comme quoi tout se mélange. Après, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a plein qui font du video mapping, et bon, on n'aime pas, mais voilà, ça ne prend pas tellement en compte, finalement, le bâtiment. Là, toi, c'est le Belfroid d'Amiens, et on va avoir les fenêtres qui vont servir de bouche, de poitrine. Enfin, voilà, de s'amuser avec ça. C'était un plaisir aussi de se dire, tiens, là, je vais faire rentrer un personnage là. Carrément. Ouais. Bon, alors, moi, c'était un peu de la triche, parce que le bâtiment que j'ai eu, il était quand même très lisse. Et c'est pour ça aussi que je l'ai pris, pour pas trop avoir des trucs avec des moulures pas possibles et tout, en plus qui n'auraient pas trop collé avec mon style. Donc c'était quand même assez lisse, mais oui, les quelques éléments qu'il y avait, j'ai quand même essayé de les intégrer comme contrainte pour construire les images. C'est un peu le principe quand même aussi du mapping, quoi. Alors, il y a un éléphant dans la ville qui est en développement, c'est le nouveau film, c'est ça ? Oui, ouais, que j'avais pensé à la base pour être un livre jeunesse. Et Il y a toujours des éléphants ou des... C'est toujours des animaux. C'est toujours des animaux. Ouais. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça m'amuse, en fait, juste tout simplement. Hein, de... Oui, puis comme tu les tritures quelque part, tu leur fais avoir des extensions un petit peu, est-ce que ce n'est pas plus rigolo de faire ça ? Oui, c'est ça. Puis il y a aussi, en fait, les animaux, bah, c'est un peu vieux comme le monde. Hein. Ils portent déjà en eux des symboles, en fait. Et du coup, j'aime bien un peu jouer avec ça. En fait, on a déjà, avec nos histoires collectives, etc., on a déjà projeté des choses sur eux. Donc, j'aime bien... partir de ça pour construire mes histoires, puis aussi parce que ça m'amuse formellement de mettre en scène des animaux plutôt que des humains. Donc un nouveau cours, ce nouveau cours, un éléphant, donc qui va parler aussi de différence, plus ou moins en tout cas, d'après ce que j'ai compris, d'après le résumé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le résumé est sur internet, hein, c'est visiblement un éléphant qui travaille en ville et qu'on ne remarque pas, et va mettre un nœud papillon. Et puis tout d'un coup, là, tout le monde va le remarquer. On va se dire, mais pourquoi d'un seul coup ? Et il y a un bon échange de procédés, il y aurait un clip pour Chamaï, donc ? Oui, là que je suis en train de terminer. Un clip pour Chamaï, que je fais, pareil, un peu comme Filante. Là, donc j'ai fait les textures, toutes les textures à la main que j'ai scannées, et j'ai composé les décors à l'ordinateur, animés sur After Effects. Et voilà. Et ça sortira à la fin de l'année. Bon, on va regarder ça, donc, avec impatience. Et si vous voulez voir Chamaï, si vous êtes à Paris, non, mais en Basse-Normandie, ils sont sur quelque chose qui s'appelle un Solibot Tour, qui est une association qui s'appelle le NAF Solidaire. Et ils vont visiblement donc, se balader sur la côte, donc plutôt en Basse-Normandie. Je suis un peu nul à tout ça, mais voilà, pour récupérer donc, des prothèses, prothèses orthopédiques qui ensuite seront amenées au Sénégal et en Gambie. Et donc, ils s'arrêtent dans plusieurs ports comme ça, où ils font un concert, et donc, il y a un côté solidaire. Donc, voilà, ça devrait pas tarder à commencer. Visiblement, chaque année, c'est un nouveau groupe. Oui. Donc voilà, donc non seulement ils font de la musique plutôt... Mais en plus, ils font des choses associatives et sociales plutôt bien. Eric, toi aussi, un nouveau cours. Oui. Donc encore avec Sacrebleu. Et là, scénarisé carrément. C'est fini, il n'y a plus de... C'est pas que l'animation. Scénarisé par Pierre-Luc Grandjean et toi. Oui, exactement. Ouais. C'était sur le... Caillou dans la chaussure, je crois, où j'écoutais beaucoup le groupe là qu'on a entendu tout à l'heure, Meridian Brothers, et je faisais beaucoup de dessins à partir de ça, de un peu comme des personnages musicaux, quoi. J'avais des carnets remplis, et à la fin, Pierre-Luc me dit, vas-y, envoie-moi tout ça, puis je vais essayer de faire une petite histoire à partir de ça, et c'est parti de là. Il a commencé à faire une première version, puis après j'ai rebondi là-dessus, puis là on a achevé un scénario qu'on dépose la semaine prochaine au CNC. On croise les doigts. Il y a toujours cette idée du... chez Pierre-Luc, qu'on va retrouver là, qui n'est pas forcément du parent un peu absent. On n'en dit pas trop, mais du parent un peu absent. Chez Pierre-Luc, quand c'est vraiment souvent ça. Il y a vraiment cette idée des parents absents ou qui sont dans un coin et qu'on ne voit pas, et on est avec l'enfant. Alors là, c'est un petit peu différent. Il y a évidemment un travail à deux, mais... Là, oui, en fait. Tu veux que je raconte un peu le synopsis, le truc ? On a deux minutes, pour la... Ouais, je vais être rapide, de toute façon. C'est un père musicien et le fils, il garde son fils. Et en fait, le père répète tout le temps... Je vais hyper mal résumer, je pense, le truc. Mais il répète tout le temps le même morceau, tout ça. Et puis le fils, du coup, s'ennuie, il lui demande d'aller au parc. Le père, finalement, va aller au parc et il va s'endormir au parc et son fils a disparu. Il va chercher son fils et il va se retrouver un peu dans l'imaginaire du fils. Voilà. Ça tourne autour de la musique beaucoup et de, une espèce de course-poursuite entre le père et le fils. Je ne sais pas si à l'émission d'après, Francis, a priori non. Est-ce que tu nous donnerais deux minutes juste pour qu'on passe deux morceaux ? Est-ce que toi c'est faisable ? On pourrait, non, parce que pour écouter le premier morceau, donc Dice Beats de nouveau, on revient très légèrement pour dire au revoir et on passerait comme ça juste pour se permettre d'écouter cet album du bois. Ce serait adorable. C'est toujours rouge. Il y a un suspense. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, bulle de rêve. Si ça marche pas, on laisse tomber. Hein. Je veux pas t'embêter, je veux pas. Et là, on va écouter quoi, du mood, là on va écouter Dice Beats. On va plus être dans. Alors Dice Beats, comme je disais, on va plus être. En fait, il y a plein de choses. Ils sont plus punk. Ouais. À la base, les premiers morceaux qu'ils ont fait, et là l'album mélange aussi bien du punk que plutôt du grunge, on va dire, du rock, et mélange un peu. Et en fait, ça fait partie de ces groupes. Je sais pas si vous arrivez, ça vous découvre un groupe tout au début, et puis après ils signent, ce qui est bien pour le groupe, ils signent avec un truc, et puis d'un seul coup ils commencent à être plus en avant, et vous dites ah quand même. Mais l'album est bien, et c'est un très bel album. On écoute. Super, merci Francis. We'll be right back. Et voilà, c'était Explicit. Merci beaucoup. Je suis content de vous l'avoir fait écouter. C'est vraiment un groupe que j'adore. Et un groupe, je suis content de l'avoir présenté parce que vous savez, c'est ce snobisme. Tu parles parisien, je ne sais pas si c'est un snobisme, en tout cas de grande ville où des fois on est content d'avoir découvert un groupe avant, pas tout le monde, c'est pas le problème, en tout cas découvert jeune. Et là, elles vont, sur moi, très rapidement, elles font la première partie de Viagra Boys, qui est un groupe qui monte aux États-Unis. Et elles vont faire, je crois, bientôt, je ne sais plus quel gros groupe là-bas. Donc voilà. Je pense qu'on n'a pas tout dit. Mais ça va ? Ouais, très bien. Oui, c'est parfait. Ouais. J'avais rien d'autre à dire. Vous allez faire un long métrage un jour ? J'enregistre ça parce que je raconte souvent que Sébastien Odenbach ici, il y a quelques années, jamais je ferai un long métrage. Après, il avait un problème avec son premier long métrage qui n'était pas fait, La jeune fille sans main, mais avant qu'il puisse le reprendre. Oui, d'accord. Voilà, c'est toute une histoire. Et à ce micro, il avait dit non, pas de long métrage. Donc comme ça, je peux le ressortir. Marion. Chaque chose en son temps. Déjà, là, je vais faire mon prochain court-métrage et puis on verra. Mais ouais, ça semble très, très, très ambitieux. Mmh. Très loin pour l'instant. Ouais, moi aussi, ça me semble. Ouais. Bah, en fait, ce qui me fait peur dans le long-métrage aussi, c'est que bah, justement, quand on adore être proche de sa matière, avec les techniques qu'on fait, le long-métrage, j'imagine, où tu dois déléguer encore plus. Et donc, du coup, il y a ce truc où tu te dis, mais en fait, c'est quoi ton métier ? Ça devient diriger des équipes et pas vraiment être proche de ta matière. Mais bon, après, voilà. Ça, moi, à la limite, j'imagine bien. C'est plus la narration sur une heure et demie. Ça me poserait plus problème. Après, en effet, c'est Peter Lord qui disait qu'il animait plus. Et qu'en plus, les petits jeunes, maintenant, animaient tellement vite que c'était compliqué pour lui. Donc, pour l'instant, on continue dans le cours et on verra plus tard. Pour l'instant, je vais essayer de faire celui-là, puis on verra après. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à toi. Pour ce moment. Toi, Et on va finir avec un morceau. Alors, j'étais plutôt cool pour l'instant dans les morceaux qu'on a mis. Ça va envoyer. En début, il est sorti aussi décidément. L'été a été fast. Le deuxième album du groupe Death Pill. C'est un trio hardcore punk girls band girls. Pardon, c'est G-R-R-L-Z. Donc pour le côté criant comme ça. Bande qui vient de Kiev. On parle souvent, je vous ai souvent parlé de Ginger comme groupe ukrainien. Mais évidemment, alors, je vous ai pas mal de groupes américains. En Ukraine aussi, on a besoin. Le métal est aussi une manière d'exprimer sa rage et il y en a besoin. On va écouter là un morceau qui s'appelle Listen to Me Sister. Donc écoute-moi, ma sœur. Et il y a un seul mot d'ordre, vous allez entendre deux fois qui sont dits dans cette chanson. Donc Listen to Me Sister, Let's Fuck the System. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on les comprend. Elles sont passées malheureusement en Angleterre, pas en France, mais on espère un jour les voir en France. Merci encore une fois à tous les deux. Merci beaucoup, Monsieur Francis, d'avoir été là et d'avoir sauvé cette émission ici. Et on se retrouve d'ici un mois avec, j'espère, la Marie-Pauline et Nicolas. À bientôt, bye bye. Jacques de Sèvres.